Salut tout le monde, ici JF Chrome de la soirée du podcast. Juste un petit mot avant de commencer l'épisode 12 pour vous dire qu'on a eu quelques problèmes techniques lors de l'enregistrement, ce qui fait que nos micros distorsionnent assez souvent durant l'épisode. Malgré tout, on a quand même décidé de sortir cet épisode-ci, étant donné qu'il est très écoutable, c'est juste pas optimal comme son par rapport à ce qu'on a l'habitude de vous offrir comme qualité audio. Donc si vous vous joignez à nous pour la première fois aujourd'hui, sachez que c'est pas comme ça normalement. Sur ce, bonne écoute et bon début de playoff tout le monde! Il y a Mathieu Gélinas sur Twitter qui dit « Jeff Mallette call out Alex » puis Alex répond avec un son du genre « C'est lui qui avait ça! Je l'ai imité! Ouais, c'est ça! Ça va le Forrest Gump, c'est pris par le directeur de l'école. Je pense que c'est ça qui va ouvrir l'épisode. Ça, c'est le bien. C'est cool parce que plus ça va dans la saison, moins je suis capable de faire mon intro. Là, je vais même pas dire un mot. Puis je vais le bien avec mon son, man. Alors, je le pars comme ça. En direct, les studios Young Media. Vous écoutez l'épisode 12 de la saison 2014-2015 de la soirée du podcast. L'alignement de départ pour le match de ce soir. Le numéro 75, JF Comp. Le numéro 21, Dave Thibodeau. Le numéro 31, JF Manette. Et le retour du numéro 98, Alex Galibault! Finalement! Bon retour, Alex. Merci. Bon retour de paternité, là, comme ça. Là. Pas trop fatigué. Ouais, je suis fatigué. Je suis du moucher. Moi, j'ai une pipi de nuit. Ouais. Alors, voilà. Bon, ben, allons faire déjà le pre-show. Où est mon thème de pre-show? Alors, sur cette petite gorgée de bière infusée au thé qu'on commence le pre-show comme ça. C'est super bon en plus. C'est quoi? Il faut déjà check tantôt, je me souviens plus. J'ai probablement déjà goûté en plus. Oui, c'est Brasseur du Monde, je pense. Ouais, ok, je sais c'est quoi. C'est pas genre infusé. C'est direct l'infusé. Non, c'est ça, elle est bonne. Ils font aussi une excellente bière au miel, eux autres. Ouais. On cherche la commandite d'ailleurs, Brasseur du Monde. Ouais, il manque deux personnes à soir. Je pensais qu'on serait six pour... Mon retour. Le retour d'Alex est le dernier show de la saison officielle. Parce on a scratché deux joueurs dernière minute. On a scratché Mart Vero qui apparemment va déménager des matelas à 6h30 le matin. C'est une excuse comme fait sur le fly. Là, ça, c'est vraiment bizarre. C'est louche. Je vais travailler pour matelas dauphin. Faut que je déménage chaud du strand. C'est louche. Puis mon frère, 88, qui n'est pas là non plus, lui au moins, il n'a pas donné de raison. Fait qu'on sait qu'il ment pas. Je ne viens pas. Je ne viens pas. Dit par Snapchat dans son auto. Nice. Bon, alors avant de vraiment tout commencer ça, allons-y avec les positions du pool, parce que le pool achève. Je pense que le pool est juste la saison régulière. Si je me souviens. Oui. Alors, on est à une journée de savoir qui sera le grand gagnant d'un t-shirt de la soirée du podcast. Ça joue très serré en haut de peloton, je vous dirais. En cinquième position, Nicolas Simard, un nouveau venu dans le top 5. J'avais vu de la saison, lui, dans le top 5. Le Suisse n'est pas là-dedans, là. Non, malheureusement, notre ami Suisse qui mélange... une chance, parce que ça coûte très cher de shopping. Ouais, c'est ça qu'on s'est dit. 100 pièces. Il est drôle, il nous a demandé si l'acteur dans 19-2 de Tyler, c'est le même qui jouait dans le goaler dans Lance et Compte. Ouais. Malheureusement, non. Ouais. C'est bel et bien Brouillard qui joue dans Lance et Compte. C'est lui qui m'a demandé. Dano. Le frère à Mathieu Dano. Oui. Philippe quelque chose, Dano. Je me souviens pas de son nom. Louis-Philippe Dando. Quatrième position, Mathieu Gélina. Troisième position, JB Gagné. Deuxième position, Yann Dubry. Et première position, Jacques Germain. Hey, ça a changé pas mal. Ouais, parce qu'il est Fortier, c'est parti. Ouais, bon, il est descendu puis c'est la place à Nicolas Simard. Pour ce qui est de nos positions, nous autres, le meilleur à date dans nous six, JF Mallette, huitième position. JF en 10. Monté. Ah, monté. Ouais, hein, moi-même dans le Lars Ellers. Lars Ellers. C'est ça, cool. Ah, c'est ça. C'est ça. Il a pris Plécanet. La preuve que c'est pas pour ça que t'as remonté. Il a tradé Plécanet. Il a pris Plécanet, c'est en douce. Moi, je suis en 14e position. Mart est en 20e. Alex Kromp, 24e. Dave, t'es rendu en 29e. Et Alex. Je t'ai monté 36. T'étais 36. T'es redescendu, moi. T'es redescendu. Mais j'ai remonté. J'ai même pas vu mon échange. Moi, j'ai abandonné à celui-là du mot de famille. J'ai même pas vu mon échange. Alors, ça achève. On communiquera avec le gagnant. On vous le dira. À fond, probablement, quand vous allez écouter le podcast, le gagnant va déjà être déterminé. Je pense que ça se termine demain, cette belle saison. Oui, oui. Les 30 équipes sont... Les 30 équipes. 30 équipes. On va mettre Facebook et Twitter. On va annoncer le gagnant de quelque chose qu'il va avoir, mais peut-être plus tard. Pourquoi? Non, non, faut que tu sois prêt. Là, on va tout faire ça. Le numéro, tout. Alors, pas de numéro. Pas de numéro, là. Ah, pour un supplément, on peut mettre un numéro, là. Ouais, si tu veux. Là. Ah, on verra. Paye ton prix, paye ton prix, moi. Ah, ah, bon, puis il faut trouver le shipping aussi, d'ailleurs. Puis il faut que tu payes le reste qu'on va envoyer avec. Puis finalement, faut que tu te envoies un chèque de 100$. Fais de l'argent avec ce pot-là. Bon, quelque chose qu'il faut que je parle rapidement avant de poursuivre. Vous avez sûrement remarqué que depuis le début janvier, on ne mettait plus le tag RZO au début du podcast. Ben, il y a une raison bien simple. Puis il y a d'autres podcasteurs qui ont commencé à le dire, mais je vais le dire moi-même parce que c'est pas mal moi qui fais le site. Là. RZO va fermer au mois d'octobre. Dès que l'hébergement se termine, RZO va arrêter parce que manque de temps de l'équipe de direction. C'était un peu un fouillis là, de diriger 33 shows de même. Puis de moi, s'occuper de tout seul. C'est ça. Puis moi, j'avais vraiment pas le temps. Là. J'étais plus le lead technique, que ouais. le gars qui voulait tout gérer. J'ai essayé, mais ça fonctionnait pas. Là. Puis c'est beaucoup trop de job. Alors, on a essayé de mettre la clé là-dedans. Là. De toute façon. Il y avait-tu des portes? Il y avait une porte ouverte, une porte de garage. Là, qui était barrée, OK, c'est bon. Fait que si vous voulez continuer à nous suivre, notre site web, lasoireedupodcast.ca, les épisodes sont tous là-dessus. On est sur Stitcher aussi, iTunes, puis YouTube en vidéo maintenant, sur les épisodes sont là. Fait que suivez-nous sur les autres plateformes que RZO. De toute façon, ceux qui écoutent en ce moment, par quelque chose de... on va être propulsé comme Rétro Nouveau et propulsé par Young Media. Et voilà. Yeah. Je peux toujours entendre le code de toute façon. Ben, mettons que, tu sais, RZO était pas mal propulsé par Young Media aussi. Fait qu'on a comme enlevé l'intermédiaire entre les deux. Puis ça a l'air que. C'est comme dans le fond, la soirée du podcast est propulsée par RZO qui est propulsé par Young Media. Mais c'est toute une affaire de Inception. Mon qui est propulsé un dans l'autre. C'est comme des rêves dans des rêves, man. Tout le monde est propulsé par une propulsion des rêves. Des rêves. Rêves dans des puis rêves. Tout ça est propulsé par moi. Fait que c'est ça. La fois, c'est propulsé par Jeff. Voilà, fait qu'on revient à moi. Alors, check. Alors, c'est la fin pour RZO, malheureusement, mais je vous invite à suivre les autres podcasts. C'était vraiment une belle aventure. On a rencontré plein de monde. Ça nous a amené au Comic-Con. On a rencontré des fans au Comic-Con. C'était cool là, cet été. Comic-Con, c'était plate en crisse, là, mais rencontrer du monde, c'était le fun. J'étais déçu. Ouais. Bon, prochain petit sujet avant de commencer, qui s'adresse à Jeff Mallette, que j'ai sous ma feuille ici, qui se nomme Régent Tremblay va faire péter une crise cardiaque à Jeff. Oh mon Dieu. Veux-tu commencer tout de suite là-dessus, Jeff, ou... Ben, premièrement, on en discutait un peu. Là. C'est pour ceux qui n'ont pas lu l'article, Régent Tremblay s'est amusé à critiquer le Canadien comme il a l'habitude de le faire en comparant les fans du Canadien de Montréal à des femmes battues. Faut-tu être cave? Wow. Là, ben, le syndrome de la femme battue, là, que tu reviens toujours vers ton homme. Hein. Ouais, puis on se fait compter des mensonges. Ça, sûrement, il a dit que Michel Therrien... On va changer. Mais oui. Ben, le Canadien n'a pas changé, c'est la même face. C'est encore Gauthier qui contrôle tout en arrière. C'est un pantin, Bergevin. Mais pour venir à un point là, à Régent Tremblay, là, a.k.a. Friendly Neighborhood Drug Dealer, là, tu devrais peut-être fermer ta calice de gueule, calice. Oh, non, mais vraiment, ça là, part, il chante Jean, c'est le gros cave la joie. C'est là, la joie. Puis, hey, c'est le GC. En plus, Chris, il essaie de venir à un point où ce qu'il dit, le Canadien, il y a des joueurs... Il aurait peut-être juste essayé de venir, point, tu sais. Il est pas capable. Peut-être assez pour lui. Depuis qu'il s'est fait mettre par Fabienne, il est plus capable. Ah non, c'est de la poussière qui sort de là. Il vient en poudre. Ben, tu sais, il essaie de partir des rumeurs pour nous faire craindre que les joueurs du Canadien prennent la poudre ou des affaires de même. Que c'est pas ben oui, on le sait. Par empire, par endroit, prendre de la poudre parce qu'il prend trop de bière et il est trop down. C'est tout. Ben. C'est il prend plus de poudre parce qu'il est encore plus down, fait qu'il reprend plus de poudre. Mais c'est des vraies rumeurs. Pour faire plus d'argent. Pour faire plus de poudre. Pour travailler plus. Il y a besoin de ça pour survivre. Mais tout ça pour dire que j'ai tweeté aux gens de Montréal cette semaine que vous me perdez comme client. À jamais. Tant que vous allez engager des hosties de mangemandes pour écrire des articles de cul de même. Journal de Montréal. Mais voyons donc. Le journal, c'est le journal. Non, non, non. Je leur ai dit, c'est typique à vous, donc au revoir. Puis j'ai mis un bonhomme fâché avec un doigt qui pointe. Ah non, mais c'est un joueur, c'est un asti journaliste frustré qui est encore frustré de s'être fait sortir de se pouvoir suivre l'équipe. De se pouvoir suivre. Il commençait à dire que Martin McGuire puis Danny Dubé, c'est des trous de cul parce qu'eux autres, ils parlent jamais en mal du Canadien, que RDS, c'est des ci, c'est des ça, que TVA Sports sont pas mieux parce qu'ils font juste parler du Canadien. Ben, c'est vraiment facile de basher de même tout le monde du hockey quand t'as pas de tribune. Là-dessus, je suis pas nécessairement 100% en désaccord avec ce qu'il dit, dans le sens que c'est vrai que la plupart des journalistes qui sont proches de l'équipe ont tendance à être très gentils. Tout il est beau, tout il est gentil, le Canadien. Ouais, mais c'est rare, tu vas bâcher. Ils sont dans l'avion, etc. Mais en même temps, c'est ça, avec. Si tu commences à bâcher le club, ben Chris, tu fais plus l'avion, man. Puis regarde, tu t'appelles Jean Tremblay. Il y a un autre, comment il s'appelle? Dans l'onde seconde. François, comment? François Gagnon? Ben lui, des fois, il critique. Oh, mais lui, il est un fan ouvert. Lui, il est passé d'un journaliste respecté à un gars qui fait des émissions de golf l'été, là. Ouais, mais lui, il critique parce qu'il est un fan des Sénateurs. Ouais, puis il est cave. Non, mais il a raison, des fois. Ben, il a raison. Le critique canadien, lui? Monsieur Gagnon a raison? Ben, des fois, oui. C'est très rare. Ben, non, il a raison, des fois. Quand il parle bien du Canadien, il a raison. Mais toi, t'es aïe tout. En tant que. En passant. Je suis pas le journaliste que t'aimes. Sauf les Anglais. C'est un walk in progress. Moi, ma critique, j'ai décidé de faire le bulletin des journalistes. Tu vas faire un blog? Qui suit, là. Asti, que je vais te caller out, man. Non, je suis rendu à moitié. Parce que là, j'ai fait TVA Sport, mais j'essaie d'être correct sans être trop chien. Essaies-tu d'être. D'être objectif ou t'es envoyé tout chier avec ton corps, figure, puis tu mets des doigts partout dans ton texte. Non, j'essaie de vraiment résumer. Tu sais, j'essaie d'être correct parce que si je suis trop chien puis je suis envoyé chez tout le monde, ça n'a aucune crédibilité. Puis en même temps, mais le monde va dire, mais Jeff Mallet, tous les journalistes. J'ai une réputation protégée quand même. Mais non, juste pour donner un exemple. Oh, ouais. Un peddler de char. C'est ça. Ben, tu sais, mettons qu'un gars, il vient me voir m'acheter un char, tu sais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Mais juste pour. Caller out. Juste pour donner un scoop, comme Louis-Jean, juste pour donner une idée, dans le fond, de l'ampleur de mon Jean article. Cormier. Ouais, Louis-Jean Cormier, j'ai dit, lui, c'est comme un lifesaver blanc, il n'y a aucune saveur. Oh, alors voilà. Fait que ça ressemble à ça. Puis, strong words. C'est à peu près. Un de ceux à TVA Sport, effectivement, il est sans saveur, mais qui me dérange le moins. Quand je l'entends, sauf quand c'est comme Don Cherry. Non, mais c'est ça, j'ai un de ceux qui me dérange le moins. À part Oud puis lui, je te dirais que il le est reste. Plate. Oui. C'est ça ben, qui. Mais il me dérange pas. Ben, c'est ça, ben, il est plate, mais ben, il devrait comme. Être j'aime mieux qu'il soit plate qu'il me dérange. J'aime mieux quelqu'un de ça plate vraiment sans pain, saveur que quelqu'un qui me tape ses nerfs comme Patrick Lalime ou Félix Séguin, man. Ouais. Ouais. En plus, qu'est-ce qui rit mal, ces gars-là, man? Je sais pas. Ouais, c'est des réforcés. Mais ben moi, ils ont l'air d'avoir rentré dans le cul le solide quand ils rient, là. C'est comme. L'affaire, Félix Séguin, c'est qu'à chaque chant, au Centre Bell, lui, dit que le monde chante. Moi, ça me fait capoter. Ça. On s'en fout, tu sais. On l'entend. Ouais, la foule qui sonne, le on l'entend. Ah ouais, sérieux, man? Calvaire. J'ai son, t'es là, man. On va devoir l'endurer pendant un crise de bout, par exemple. Ah, je sais. En plus, toutes les séries. J'encourage tout le monde à écouter Sportsnet. C'est John Bartlett. John Bartlett, le gars qui a un nom de poire. Je me reprends. Je me suis trompé. L'autre fois, j'ai dit c'était un nom de pomme. Puis je l'ai su après le podcast que c'était un nom de poire, dans le fond. C'est ma mère qui a fait la critique. Ouais, mais ben, je m'en étais rendu compte par moi-même. Que après, j'ai dit à ma mère, comment ça tu nous écoutes, toi? Bonjour, Joël. Écoute pas ça. Salut. Ouais, Bartlett. Hey, les séries commencent, faites-vous la barbe des séries cette année? Hein? On se fait une barbe des séries? Qu'est-ce qui se passe? On fait la barbe des séries? Et si, bon, peu bien. Dave a commencé, il se fait 2 mois. Frère rendu de cette semaine. Hein. Yeah, yeah. Ça pousse bien plus vite à cette heure, c'est juste que ça pousse pas partout. J'ai comme un genre. Moi, je me roserai pas. J'ai un neck beard, puis j'en ai pas s'il joue. Ouais, c'est correct. Comme un chinois, tu sais. Ouais. Une petite moustache. Plus comme fait comme Théo, il s'implante du poil pubien. Une barbe à Kenny Reeves. Ouais, peut-être plus. Ça dépend pas s'il joue partout. Une barbe à Kenny Reeves. C'est pas chiant. C'est comme 4 poils sur une joue. Bon, avant de commencer la première période, on avait dit, il y avait une couple d'épisodes, qu'il allait avoir un article justement des séries qui allait sortir sur le blog de Rétro Nouveau, les 20 meilleurs jeux de hockey. C'est sorti, fait qu'allez voir ça, c'est sorti cette semaine. Très intéressant. Rétronouveau.ca. Fait que 20 jeux que je connaissais. Ouais, moi non plus. J'ai été incroyablement surpris de voir NHL 2015 comme deuxième. Ouais, vraiment. Mais en même temps, tu sais, je dis oui, c'est un bon jeu, mais les critiques étaient tellement sévères envers ce jeu-là. Ouais. Ben, c'est parce que le monde s'attend toujours meilleur, mais c'est le premier jeu dans la grosse plateforme. Fait que je trouve, tu sais, c'est bien fait pareil. Moi, j'ai du fun. Ah, côté graphique, moi, j'ai bien joué. C'est super le fun, mais il manque de mode. Ouais, on a le 2016. Tu sais, il manque de mode, comme tu sais, un brownies à la mode, s'il met un peu de crème glacée. Ouais, mais c'est parce que Chris, pourquoi ils vendent le même prix d'abord? C'est pour ça qu'il half a game, ouais, puis ils vendent 70$. Tu savais que deux semaines après, ils ont baissé le prix de 30$. Ben, il était trop tard pour moi. Ouais, moi ouais, avec. Mais t'aurais pu aller chez Walmart et leur dire « Hey, Chris! Ouais, » Pour la version PS3 ou PS4? PS4. Parce que ça a l'air que si t'es membre en ce moment du EA Club, là, tu peux l'avoir gratuit, NHL 15. J'ai lu ça cette semaine. C'est fun en tabac. Mais tu sais, qui est membre du EA Club? Personne. Je connais personne. Fait qu'allez lire ça, article fait par Nicolas Lachapelle en collaboration avec moi, mais je vous dirais que c'est beaucoup Nicolas Lachapelle qui a fait l'article. Le second des jeux là-dedans, j'étais comme c'est quoi ça? J'ai jamais joué à ça. C'était NHL 2015. En fait, notre input de la soirée du podcast en groupe, je pense, ça a été NHL 97 au PC. Oui, ooh. Oui, oui, c'était hot. Qu'on s'est indigné parce qu'il était pas dans le top. Premier 3D. Premier 3D, premier jeu avec des commentateurs. Avec Jim Van Beesbrouck. À ce temps-là, qu'est-ce qui était cool, par exemple, c'est que les gardiens de but avaient toutes leurs vraies casse de goaler. C'est pourquoi qu'ils n'ont pas leur casse de goaler? Je pense que je l'avais dit, je m'en souviens. Ouais, il y avait une question de logistique aussi, parce que c'était compliqué quand tu changeais le joueur d'équipe. Pantoute, le droit des artistes. Ah, ouais. C'est vrai. Le casse pour ça, que vu qu'ils n'ont pas le... C'est trop compliqué d'avoir les droits. Ouais, c'est ça. Mais aussi, ça faisait vraiment laid quand t'avais genre John Van Beesbrouck avec son chandail plein d'abeilles qui jouait pour le Canadien, mettons. Là, ça filait comme vraiment laid. Là. Non, c'est ça. En plus, ils gardaient les mêmes pads. Oui, ils gardaient tout leur saut, sauf le chandail. Ouais. C'est vraiment dégueulasse. Ben, c'était cool. T'as limité à programmer ici. Fait qu'allez voir ça et partager ce bel article. C'est ça notre paye. Alors, sur ce, on va commencer la première période. Pendant que Dave va chercher une autre bière, on va faire nos plus et nos moins des derniers podcasts. À part Alex, tu peux étendre plus que les deux dernières semaines, parce que ça fait un petit bout que t'as pas été là. Vas-y que ton plus des derniers mois, là. Oh, ben là. Ou comme tu veux, ou de hier. De tout le temps, même. Il y a mon boss qui vient me voir à job, il dit ça a l'air qu'il y a ses cash, il est en feu, c'est une grosse vedette. J'étais tu malade, t'es collé, il joue pas. Quand t'as un but en 10 games. C'est mon gars de 5 ans qui me dit ça. Ben, fais-toi pas ton gars de 5 ans. Non, ça, c'est grâce à TVA Sport puis leur crise de propagande. Peut-être. Ah, c'est fait que, ouais, vas-y, Alex. Je sais pas, là. C'est pas ton Martin. Je sais pas, là. Brendan Brooks. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai manqué? Van Beesbrouck. Écoute, d'un plus, Chris. Meilleur goaler de la ligue. Qu'est-ce que je te dis? Mais on n'a pas une mauvaise séquence, c'est tout. Mais ça fait que c'est. Il y en a peut-être un qui a sorti du lot un petit peu. Moi, je serais. C'est sûr qu'à Pride, on n'a pas le choix de mettre d'un plus. Mais tout, c'est parce que t'es là depuis. T'as manqué une coupe de temps. Non, il peut. Chris, tu peux aller. C'est pas aller large, là. Fait que Price, t'es un bon joueur. Markov et tout. Price, tu dois le dire cette semaine. Je sais. On va tous le dire, Price, cette semaine. Ah ouais, Price, t'as un give la deuxième période, là. Mais regarde, Petrie. Nice. Ben, c'est mon plus. Ouais. C'est mon plus. Moi, avec, je pensais faire une surprise à tout le monde. Ben, moi, tout, je pensais faire une surprise. on est vraiment pas. On est vraiment pas. Il faut que je parle. OK, mais mention spéciale à Hello d'abord. Pour son vide. Mais toi, t'étais deux semaines trop tôt. Ben non, je voyais des choses. Ouais, Nostradamus. Je voyais des choses. Nostradamus. Je le disais, il va dans la bonne direction. Papa. Ouais, mais là, il joue comme il devrait jouer. Chris, il commence à genre être plus impliqué. Il a l'air, ça? Ouais. Oui. Ben, il a enlevé sa jupe de saison, puis là, il a mis ses culottes de playoff. Il a donné sa jupe à Plecky. Bon, oh. Je savais pas encore, ça. Peut-être qu'il a pas la tête, puis les deux l'ont pas. Peut-être. Ouais, là. Positif. Ben ouais, moi, regarde, je reste positif. Moi, Plecky, je l'aime bien. On peut pas blasser Plecky parce que mon frère est pas là pour se défendre, puis Martin est pas là pour chialer. Ben, non, mais lui, il est là pour chialer, puis moi, je peux le défendre, puis il est là pour chialer. Bring it! Sérieusement, à quoi, 59 points, là, il est rendu Plecky? Ouais. Je pense qu'on peut pas chialer sa saison. 25 buts. Ah, même s'il n'est pas dans les séries, pour la Coupe Stanley, je m'excuse, mais Chris, il nous a quand même aidé à nous amener où ce qu'on est là. Oui, mais je veux dire, ça prend pour un deuxième ça prend des contribuer. Ça prend des gars comme lui dans contribuer, il dirait. OK. J'ai vraiment ça. Ah, il est ça, son plan, là, c'est sûr. Aussi. Non. Fait que là, on a tout en plus pour Petrie, c'est ça? Bon, on passe au moins. Honnêtement, Petrie, là, je suis vraiment surpris parce que je m'attendais pas que ce gars-là soit un gars qui était capable de produire autant qu'il fait là. Mais deux choses sur que je trouve qui mérite son plus, c'est sa production dans genre 5-6 dernières games. Je ça pense fait que 1 point points, 6 dernières games. Ouais, 6 points dans ses 6 dernières games, c'est très bon. Puis côté défensif, il a vraiment solidifié des aspects. Puis il s'est amélioré aussi parce qu'au début, quand il est arrivé, il était dans les moins, je pense. Là. Ben, non, mais Petrie, il fait une assez bonne première passe. Là. Oui, il a une bonne relance. Puis il attaque quand il faut attaquer. Ouais. Qui c'est que c'est son partenaire idéal, pensez-vous, à gauche? Honnêtement, là. Mais là, de ce temps-ci, il joue comme avec Emeline. Ben, c'est pas mauvais. Il est à gauche, Emeline. Ouais, ça se passe de ce bord-là. Alex a des mouvements avec son corps. Mais gauche, Beaulieu droite. Beaulieu est à gauche, tout. Beaulieu, ben, ils l'ont fait. Ils l'ont pas fait ça, Beaulieu Petrie au début, puis ça marchait ça comme que... semi. Ben, pas longtemps, parce que là, ils veulent mettre les cerises avec les ananas. Fait que c'est rendu qu'ils mettent un gars qui. Mettons. T'es encore dans ton histoire de salade de fruits, toi? Ouais, ben c'est ça. Ben, c'est là qu'ils voulaient mettre un défenseur défensif. Un défenseur mobile avec un défenseur qui frappe. Donc, Beaulieu avec Patrin. Ouais, Beaulieu avec Petrie, c'est peut-être pas le best. Petrie, ça serait super. Ah, comme Powerplay, c'est un. C'est pas ça qu'ils font? Je m'en souviens pas. Ouais, c'est Petrie, Beaulieu, puis Emeline, voyons, Markov, Subban. Ouais. C'est très bien ça. Ouais, c'est mais Yemeline, là, j'aimerais bien, ça que. Petite coche de plus, parce que quand il frappe pas, il est inutile. Ben, Yemeline, là, honnêtement, il a pas frappé. Je suis beau. Il est dans les rumeurs d'échange cet été, là, Yemeline. Ouais. Je suis dans les rumeurs d'échange. Ben, honnêtement, je serais pas surpris. Non, lui, il y a quand même une valeur. Ben, il faut que tu donnes un gars pour avoir un gars. Ouais, c'est mais il y a pas de valeur. On a trop de défenseurs. Il y a pas de valeur tant que ça. On a trop de défenseurs, puis Bergevin va vouloir libérer de la masse. On n'aura pas grand chose. Il y a combien, comme pour lui? 4 millions par année, quelque chose. Un team qui aurait de la misère à faire le minimum. Tu vas passer un team qui a besoin de défense, puis de robustesse, puis t'auras pas gros pour lui. Puis j'ai appris de quoi cette semaine? Mais regarde, si ça peut nous faire baisser la masse, puis qu'on peut justement signer un gars comme Petrie, why not? Moi, je pense qu'on va tester le marché, puis si je serais lui, ça, je ferais. Bon, ouais, puis c'est sûr. Il va aller chercher un 5-6 millions facile. Petrie, ça? Ouais. Moi, j'essaierais de prendre un 6 millions. Ouais, je sais. Mais on a les moyens de signer Petrie cet été. Ouais, mais lui, il va. Les enchères sont trop hautes. Quand tu regardes un gars comme Johnny Boychuk, qui est tellement sans dessin, qui a signé un contrat à long terme. Ouais, mais that's fucked up. Les Islanders, ils ont donné beaucoup. Puis. Pour de vrai, il y a une bonne saison, mais je donnerais pas ça pendant une saison. Mais Petrie, c'est un genre de défenseur qu'on a besoin, je pense, à Montréal. Faudrait se forcer pour essayer de le garder, j'ai l'impression. Ah, c'est ça, c'est une plus belle acquisition, je trouve, Petrie. C'est le bol. Ben oui, vraiment, elle a apporté beaucoup plus. Très bon coup de Patrick Petrie. Puis il a coûté moins cher que Vanek, dans le fond. Il nous a pas coûté de prospect, juste un choix de deuxième ronde. Puis un choix possible de cinquième ronde, tout dépendant de ce qu'on sera en série. Il est vraiment mobile, ce gars-là, Petrie. C'est fou. Le gars, il patine bien. Il avait beaucoup de patins. Je pense que c'est un gars qui était sous-estimé. Déplacement latéral. Fluide. En fait, il y a 7 points à ces 6 derniers matchs. Ouais. C'est fort, là. Pas mauvais. Bon. Puis j'ai appris de quoi pour Yemeline. Yemeline, savez-vous qu'il était proche de Price? Je savais pas pantoute. Proche d'envie, tu veux dire? Ou... Ouais. Ah ouais? C'est ce que Price, il disait. Il couche avec sa blonde. Il était content. Mais il était content que Yemeline, ce soit lui qui crisse la tarte. Hey, c'était-tu la crème foisée ou c'était de la barbe? Ça doit être bon en cas. De la barbe rasée, ça doit être bon dans l'aile. La barbe rasée. La barbe à papa. La barbe à papa. Ça doit être bon dans l'aile. C'est ça, il était content parce qu'il dit. Ça goûtait pas bon. Mais c'est justement quand j'ai vu, moi, ça, je me suis dit, comment ça, c'est Yemeline qui va l'entarter de même? C'est ça, puis il disait qu'il est content parce que Yemeline, c'est pas un gars qui parle beaucoup dans la chambre, il est gêné. Ben, c'est sûr, c'est un russe. Puis Price. C'est un russe? Oui, c'est un russe. On va le mettre d'abord. Ça faisait longtemps. Ok, c'est assez. Là. c'est agressant. C'est ça. Puis Price il a commencé à remercier même Yemeline pour sa saison. Il a travaillé fort toute l'année. Il a fait des. Tu sais, il a vraiment été utile devant le filet. Puis tout ça. Ouais, Price est un team player aussi. C'est sûr qu'il va pas aller basher le monde. J'ai trouvé ça vraiment. Hey, motherfucker! Never do that to me again. Ben, je me suis comme senti mal de parler mal de Yemeline pendant. Heller, you fuck! Mais c'était l'idée à Pross, supposément. Ou ouais. Lui, il pensait que c'était l'idée à Markov. Ouais, ah, sûrement, c'est son comrade. Comrade Marky. Ça aurait pas de l'idée à Subban aussi. C'est Pross, ben. Genre de joueur. Ouais, Pross, ça me surprendrait pas. Il a l'air d'un gars qui fout le trouble tout le temps. Là. De bonne façon, là, mais c'est bon. Bon, ben, d'abord, on a tous le même plus. On va avec nos moins. J'aurais juste un petit plus de plus. Ah, vas-y donc, un GF à ce temps-là. Plus de plus. Un plus de plus. Parce que, dans le fond, j'ai dit, début de l'année, j'ai dit que j'haïssais Plekanec. Ouais. Mais je vais vous avouer qu'il m'a surpris énormément. Je suis content de la saison qu'il nous a donnée. Puis j'ai comme fait un ordre des joueurs de centre de préférence à Montréal. Non, pas de départir, mais de préférence à Montréal. Tu sais, dans mon livre, je pense vraiment que le premier centre, c'est Plekanec. Ensuite, j'irai avec Lars Eller, puis Dernais tombe troisième. Ah, c'est un non, c'est vrai. Ça marche pas. Dernais, c'est troisième, c'est année de troisième. Je te parle de ma préférence à moi. Okay, okay. Je m'appelle c'est pas personnel. Michel. C'est personnel. Ma préférence c'est à moi. Ça n'a pas de talent ou tout. C'est personnel. Pour ce qu'ils peuvent donner. Fait que présentement, là, okay, mais attends un peu. Là. On prend juste. Prends pas juste les derniers matchs là, de la saison. Prends pas la saison complète. Là. OK, saison complète. Ouais. Pour toi, là, Eller, c'est un deuxième centre. Dans les préférences. Au-dessus de Dernais. Plus que Dernais. J'ai le facteur Galchenyuk qui est là-dedans aussi. Moi, si j'aurais trois centres à choisir pour les playoffs, ça serait Galchenyuk, Plekanec puis Heller, mais... Oui, mais enlève Galchenyuk de centre, là. Dernier, là, à date, je le mènerai sa deuxième ligne, mais c'est parce que je pense qu'il ne pourra pas nous apporter autant que Heller pourrait nous donner à date. Parce que, je dirais, dans le dernier mois... OK, mais toi, tu parles pour les séries, là. Je te parle à l'heure actuelle, là. On va faire un tout tour vers les points d'abord. On en reviendra. Garde ça dans l'entraque parce que je comprends. On expliquera ça en deuxième avec plus de bière. Voilà. Vas-y avec ton moins. Expliquera ça mais que je comprenne moins. Peut-être que je vais comprendre. Mon moins. Mon moins, ton moins. Les moins. Mon moins, c'est-tu ton moins? Je sais pas. Je sais pas, c'est quoi ton moins. Pour le reste, j'ai pas vraiment pensé à ça. J'essaie de penser des matchs qui m'ont réussi. Mention à la païenne. Ouais. Hier, Piqué m'a tapé ses nerfs. Je sais pas, je donnerai pas mon moins. Ouais, il a joué 30 minutes hier. Ouais, je sais, mais là, m'a amené à 3e, quand il a perdu la poque une couple de fois, j'ai un tabarnak. Ouais, mais après ça, il a quand même pas mal joué. C'est quand même amené à arrête, là. On a gagné. Ben, moi, je vais commencer avec un moins. C'est quoi ce son? Ça vient de où? Il y a dans le micro. C'est-tu mon ventre? Il y a qui a demandé à ça. Il y a un goal à houle, man. Je pense que c'était moi, man. C'est ma gorge. Tout le monde a pensé que c'était nous. J'ai que c'est ça. The fuck. Oh, yeah. Vas-y, GF, pendant que je pense au mien. J'ai deux moins, je vais donner un que je donne conjointement avec mon frère parce qu'il nous a donné des commentaires tout à l'heure. P.A. Paranto, hein, qui est en ce moment à 11 points de moins que l'année passée. Ouais, mais le même nombre de matchs. Il a fait une crise de bon but, par exemple. Oui, ouais. Mais il est dégueulasse. Il y a une coupe de pas pire game, mais ouais, effectivement. Ouais, mais je le regarde, là. On s'attend à plus de matchs. Je parle récemment. Là, il a tellement pas l'air en shape, ce gars-là. C'est effrayant. Là. Non, il est gros. Il y a, il y a des rumeurs qu'il était à sa boisson, comme on dit tantôt, puis qu'il est sur le coco aussi. Là. Je sais pas si ça c'est vrai, mais ça se pourrait fort bien parce que. On va demander à les gens, si ils doivent le savoir. Regarde, les gens doivent le savoir. Il est gras, il a le teint pâle. Il voulait offrir ça là un rôle dans l'an 50. Bah, let's go, tu serais peut-être meilleur dans le Canadien finalement. Là. Ouais, moi, je vais le donner, gars, je vais le donner à un gars qui me. Je sais qui je veux donner. Moi aussi, j'en ai un autre. Mais je vais un gars qui me déçoit un petit peu cette année, je vais le donner à Galchenyuk. Ah, c'était mon deuxième. C'est mon moins pour une deuxième semaine de suite. C'est quand même année wake up. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content de mon moi? Ouais, écoutez, là, c'est parce que j'ai peur qu'à ma gorge, je fasse un autre. C'est pas un reproche. C'est pas un reproche à Galchenyuk. Il est capable de plus. On sait qu'il a le talent pour aller plus loin que ça. C'est pas mon moins. Mais le pire, c'est que tu regardes les quelques dernières games, puis tu vois des bonnes choses de ce gars-là, mais il me semble que j'en veux plus. Puis un gars, faut que ça en aille cet été, là, Tokarski, get the fuck out. Je suis plus capable quand il go. Ah, ben, voilà. J'ai plus capable. Ouais, c'est que je peux pas y donner mon moins parce que je m'en fous. Quand il a goalé la dernière fois, je peux. Mention spéciale. C'est parce que si Tokarski goal demain, là, ça veut dire qu'on vise pas le premier rang en division. Ah, mais j'ai entendu dire que c'est confirmé. Price goal demain. Price goal, il va pas le faire. 44e victoire. On cherche le premier rang. Non, c'est pas juste ça. Il dit tout. Il a comme là, il a joué 3 games en 9 jours. Ça. Mais moi j'ai l'impression. Deux games en un jour, puis il y a 4 jours de congé avant la prochaine. Les séries commencent. Moi ça me donne un petit feeling que peut-être que Price a peut-être demandé le goal et tout. Ça se peut. Parce qu'il veut se mettre game. Michel, il a dit on a beaucoup de congé. On s'entend que, mettons, s'il essaie de se battre, ça donnera absolument rien. Ça va juste nous aider à Honnêtement, je serais. En tout cas, ça serait vraiment en cave, là, mais. Mais c'est Toronto, prendrait... Ben, tu sais, ils ont rappelé Colton Orr, mais ce gars-là va prendre sa retraite. C'est probablement son dernier match. C'est pour ça qu'ils l'ont ramené. Ouais, mais ça fait penser à ça. Tu sais, dans le film Goon, là. Il s'en va, ce gars-là, il est fini, man. Il était pas bon toute l'année. Ils l'ont pas amené un match. Il a joué il est scratché dans HL. Et puis il ramène pour une dernière. Ce gars-là, il a rien fait. Ça donne rien, man. C'est un farewell, man. Mais surtout, le coach aujourd'hui a dit. Bonne retraite, mon chum. Tu t'en vas. Il va dans la bataille. Le coach a déclaré. Le coach a déclaré aujourd'hui. Il n'y a pas personne qui va se battre. Ben, Boss, il va le prendre. Le coach a dit je veux que la game contre mon Canadien soit nos playoffs. T'es bien épais, Calis. Il a dit non parce qu'il veut pas se battre avant les séries pour se blesser. Je sais, Press a dit non, mais tiens, maintenant peut-être Colton Orr. La seule fois qu'il va se faire plus ce gars-là, ça donnerait rien. C'est quand il se bat. Les fans vont l'applaudir quand il se bat, Colton Orr. Fait que peut-être qu'il va demander à Press. J'ai hâte de voir, j'ai besoin que tu passes ah non, moi je vais donner attention. Je vais dire fuck you, Colton Orr. C'est un farewell. Voyons donc. Ils donneront rien aux fans, les fans vont tous crisser leur jersey sur la glace, puis on va les blancher 5-0. Fuck you, Toronto. Lucas Lazare va ramasser un burger sur la glace, il va manger. Fait que là, on a-tu tout le même moins encore, là? Non, deux moins. Mais ça, GF, Dave, t'avais le même moins, toi? On parle beaucoup de la question de Petrie. J'aime la question de DSP, mais... Ah ouais, mais lui, Mitchell aussi, mais... pis Flynn. Ouais, mais il joue pas assez, c'est pour ça que je dis. Ben Flynn. Ah, Mitchell, j'aime mieux Mitchell. Il joue que le même temps. Flynn, il a un hostie de bon coup de patin, mais à part ça, mon gars, il a les mains. Man, il a les mains prises dans le plat de ce gars-là. Non, man, c'est ça, mais comme dirait PJ Stock, ces deux gars-là mettraient un petit pied dans les fesses, là, pis ils se réveilleraient peut-être un petit peu plus. Ah, ben, un petit pied dans les fesses. Ouais, il voulait dire a little kick in the ass, okay. Mais il disait un petit pied dans les fesses. Ah, je pense que Little Beaver aurait plus de mains que lui, man. Puis Mitchell, c'est pas pour dire, c'est parce que dans le fond, là, je suis en train de me demander une chose. Là. Notre quatrième centre, là, moi, je commençais avec Malhotra, hostie, pendant les playoffs. Mitchell. Mitchell, il est quand même pas mauvais. Malhotra, il gagne les mises en jeu. Ah oui, au bain. L'expérience que Malhotra, il a dans les playoffs. Mitchell, il gagne ses mises et tout. Ouais. Mitchell, il gagne les mises. C'est ça, je dis. Puis hier, le quatrième trio était bon. Il a bien joué, ouais. Mitchell, il n'a pas combien de chances de compter. Hier, comme je te dis, c'est juste parce qu'il est main pris dans le plot qu'il n'a pas compté. Là, ouais. Parce que, man, il y en a eu des belles. S'il joue comme qu'ils ont joué Mitchell hier, il passe hier en plus. Là, sur un but que Flynn, aurait pu compter. Non, Flynn n'a rien. Non. Ben, je te dirais que Flynn, hier... En fait, Flynn a eu bien les chances. Flynn, t'en aurais dû. C'est des jobbers, ça. C'est pour ça que j'aime pas ça donner un moins au quatrième trio parce qu'ils font pas grand chose. Ben non, mais c'est parce qu'on a cherché des gars pour amener de la profondeur puis améliorer notre quatrième trio. Chris, ils l'ont empiré. C'est comme The Goon, là. Ben là. Bowie, là. The Goon. Ou The Duke, The Jumpster, Jossy, là. Style, là. Tu sais, ça. Elle m'a donné mon moins à Michel Therrien. T'as fait un job de map, on a fini premier. C'est fuck you, Therrien. Ouais. FireTherrien.com. On y reviendra en deuxième. Je fais juste brasser un peu la merde comme ça. T'en avais-tu un deuxième, hein, Jeff, ou c'était tes deux? C'était ces deux-là. Puis Dave, toi, c'était Galchenyuk aussi? Oui. Non. Alors voilà. Oui. Bon, fait que, ben. Hey, on s'assine pas bien aujourd'hui. Là. Restez une minute à la période. Fait qu'on va faire le résumé des derniers matchs. Il y en a eu 6 entre les deux podcasts. Fait que. Vous m'arrêterez s'il y avait de quoi de spécial dans ces matchs-là. On a joué contre les Panthers. Je t'arrête. Ouais. Non, c'est pas vrai. C'était les Panthers. On a joué contre les Panthers. On a gagné 3-2 en prolongation. C'était pas Théo qui était dans les nets. Un mauvais match. Ah, ben, il y a une affaire que j'ai remarqué dans l'entraque des Panthers, par contre. C'est Michel Bergeron. Tu sais, il fait son coach corner, là. Sa mort. C'est correct, là. Puis, à un moment donné, il a commencé à dire. Le coach corner, c'est des pauvres. C'est important de gagner, là. Il faut se préparer pour les séries parce que si tu gagnes pas, ben, tu te retrouves à TV. Si que j'ai adoré ça. Là. Toute l'équipe de TVA sera. Hey, ça, c'est probablement sa meilleure genre, depuis genre, 20 ans. Là. Juste pour ça, là, si j'irais dans le studio, j'irais les serrants. Mais... C'est sa meilleure depuis que c'était tout fait à 110% et qu'il a failli mourir. Là. C'est correct, Burgie. Burgie, c'est correct, on s'en va une pause. Il avait tous les bleus. Je pense qu'on leur sortit. I remember that. Dans la vidéo de Channel. Il a parlé de Burgie. Il est complètement out, man. Ici, il n'est plus qu'à parler. Après ça, on a joué contre le Lightning Tampa Bay. On a perdu 5 à 3. C'est qui ont notre numéro, eux autres? Ouais, on a eu aucune victoire contre Tampa Bay. Eux autres, on n'est pas capable de sortir la puck, là. On les a sortis en playoff et ils nous ont sorti des On les a swipés les dernières séries puis ils nous ont swipés toute la saison. Ils sont tellement vite. Ça veut rien dire. Ouais. Ben, ça veut rien dire. Ils ont un bon goaler, man, puis ils sont rapides. Mais en même temps, je veux pas. L'année passée, on les a pas swipés juste à cause du goaler. Ils jouaient pas aussi bien offensivement. Ça aurait été Bishop l'année passée, je pense qu'on les passait pareil. Non, on a fait une très bonne job. Oui, mais pas en 4. Peut-être pas en 4, mais on les aurait passés quand même. C'est parce que leur deuxième trio, ils ont comme éclos en même temps. Johnson, Palat, t'as. Kouchin-Chun-Chun-Chun. Ouais, Kouchin-Chun-Chun. Ouais, on dirait un scène éternel. Kouchin-Chun-Chun. J'ai son nom. Draco Malfoy, sa troisième ligne. Draco Malfoy. Valtteri Filppula. Yeah, ouais, c'est Mais puis aussi, une autre affaire, je pense qu'ils se sont fait fourrer dans leur transaction avec Brandon Coburn. Tu sais, quand on a un gars comme Petrie qui a coûté un choix de deuxième ronde, eux autres, ils ont payé un choix de première ronde pour Brandon Coburn, qui, selon moi, ce gars-là. Ouais, il a solidifié le D, je pense. Il est blessé encore. Ouais, je sais, mais il les a aidés pendant qu'il était là. Ouais, il les a aidés pendant une game et demie. Ben, il va te revenir pour les séries. Je sais pas. Sûrement. C'est bien, il va être amoché. Là, il injecte l'affaire comme dans City Blues dans le genou. Avec le gros. Le gros, c'est le terrain. C'est ça, exact. Il est meilleur que Gilbert, probablement blessé. Ben, quoi que Gilbert a bien joué dans les. Je préférais Patrick que Gilbert pour commencer. C'est dans ce film-là qu'il y a Neil Arthur tout nu avec la gamme photo. Ouais, c'est vrai. Il est malade. On est-tu dans la jasette? Prochain match, après ça, on a joué contre les Capitals. On a perdu 5-4 en tir de barrage. Ouais. Décevant. Fucking old B, man. Ouais. Bonne game, pas bonne game. On sait jamais quoi avoir avec lui. Ouais. Ensuite, une défaite en tir de barrage 3-2 contre les Devils. Scott Gomez qui a eu une amende pour un coup de coude au visage. Non, mais man, j'ai pas vu moi non plus, mais quel game de. C'était complètement gratuit, man. C'était qui début? C'était Tucker. Et voilà. C'était le Tucker. C'était le Tucker parce que c'était le même Tucker. C'est le Tucker que Swiss Cheese Tuckerski. Lui, ça, c'est le gars, je pense, qui a le moins de contrôle de sa rondelle pendant. Fait un arrêt, tu sais jamais. Pendant ever. Trickles down, trickles down. Les astuces de retour partout. Lui, il suggère fortement de prendre la coco. Là. Ouais, c'est peut-être plus réveillé que la coco. Ça l'aiderait un petit peu. Lui, man, si quand la puck arrive sur lui, on dirait que c'est une Super Bowl, man. Ouais. Pour moi, The Rapist, il n'y a pas de bonne chose. Après ça, on a rejoué contre les Panthers, puis on a encore gagné cette fois-là 4-1. Une belle victoire. Pauvre Gérard. Pauvre Gérard Galland qui fait donc pas pitié. Puis la dernière game, celle d'hier, contre Détroit, on a gagné 4-3 en tir de barrage. La game qui a propulsé Carey Price au rang de super vedette du Canadien. Yeah. Yeah. Bravo, mon Carey! Carey Wallach! C'est cool qu'on ait attention, là. J'ai rien capoté. Hey, le gars qui a gagné le jersey de Price hier, là, man. Sérieux, c'est le plus chanceux au monde. Va chier, man. Ah ouais. Ça doit-tu valoir de l'argent, man? Peut-être qu'il a marqué ici. Lui, aujourd'hui, il doit être demain, genre. ou il regarde le chandail et il se touche, peut-être. Peut-être bien. Pas moi que le gars l'a déjà vendu. Je sais pas si Price irait demander. J'aimerais regarder le chandail, mais je l'ai vendu. Mais pour l'instant, je le garde. Ouais. Je crois que ça monte encore. Tu gardes un bon 10 ans. Ah, ouais, tu le mets dans proche, une belle fenêtre, une belle vitre, un beau. Quand Carey est autant de la renommée, parce que je vois sur Ballet. Ben ouais, tu collais ça là. Ouais, rendu là, Carey, Chris, c'est peut-être trop tôt pour le dire, mais il mériterait-tu sa place. Tu sais, il a-tu préparé son chemin en haut? Ben oui. Au paradis, tu parles, toi? Non, c'est du lapin. Avec Jésus. Ouais, il manque juste de quoi pour les. Il en manque un. Il manque Il manque une chose pour y aller. C'est déjà que ce jour-là, on va être. Ça va être. Benson, c'est sûr qu'elle est là. Ça va être dur en tabarnak de monter en haut là, pour les prochains. Les nouveaux joueurs. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Price, parce pourrait avoir. Et Price, dans le fond, mettons qu'il se prépare. Après, la coupe. Ça paraît bien à son CV. Il faut pour monter, mais il manque juste la coupe. Ça va venir. Y a-tu un joueur qui a monté pas de coupe? Non. Sûrement. Non. Non, je pense qu'ils ont tous gagné la coupe. Faut que tu gagnes une coupe. Mais c'est parce que dans le temps, tout le monde qui était. Qui ont tiré, ont tous gagné 20 points. Ouais, mais tu sais, comme Patrick Roy en a deux. Ouais, ces gars-là, faut que tu aies au moins une coupe. C'est pour ça que Sako et vous, ils retireront pas son chandail. Ben là, il est trop tard. On s'en va dans cette direction-là. J'ai vous? Non. Alors sur ça, on va faire une première entrée et on va ouvrir pour la deuxième période. On est de retour pour la deuxième période. Bon, alors parlons encore un petit peu du Canadien pour cette période. Tout d'abord, bravo à Michel Therrien pour ses 400 matchs dans la Ligue nationale. 400 matchs. C'est beau, Michel. Il mérite. Très fort. Puis j'avais un petit sujet justement par rapport à ça. J'aimerais qu'on se fasse une petite analyse du travail de Therrien cette année. Oui! Fire Therrien.com! Parce que moi, je... mes cœurs n'auraient pas changé de trio. Comment tu veux que. C'est pas vrai. Parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui arrivent tout le temps. On n'aimera pas personne. De gens qui chialent juste uniquement sur Therrien. On serait donc meilleurs si on n'avait pas Therrien. On peut-tu comme se calmer, non? On est en première position. Ben, moi, ce que je trouve drôle sur ce genre de commentaires-là, c'est qu'on serait tellement meilleur si on n'avait pas Therrien. On serait quoi? Si on serait genre... On serait déjà gagné. On aurait déjà gagné. Playoffs cette année, donné la coupe aux Canadiens de suite, ils ont 150 points. Le meilleur exemple, là, j'ai une confession à faire. Je dois t'avouer que moi, j'étais comme vraiment pas content que Therrien revienne avec le Canadien parce que je voyais Patrick quoi dans ma soupe. Mais aujourd'hui, quand je vois la situation, là, qui c'est que vous prendriez Roi ou Terrien? Moi, je prends Terrien à 100 000 à l'heure. Ils font pas tirer, même pas aussi. Non, ils font pas tirer, puis ils font pas, mais de loin. Là, mais pourtant, il y a un bon club. Il y a un bon club. Je l'ai pensé qu'ils sont fait sortir en première par Minnesota, man. Entre autres, mais je pose la question à les supposés connaisseurs. C'est pas le problème au Colorado. C'est-tu le coach ou c'est parce qu'il n'y a pas des bons joueurs? Ah, c'est les joueurs, il n'y a pas de défense. Ah, l'offense est pas bonne. Pourtant, ils ont Matt Duchesne, ils ont Gabriel. Ah, mais hey, quand t'as un bon coach pour te fouetter, là, il me semble que tu devrais être bon. Entre autres. Mais ça a l'air que le doigt n'est pas assez long. Ah. Ouais, il devrait pas c'est les éternels chialeux, là, ce Twitter qui revient de temps. Ils sont jamais assez bons. Puis on va gagner la coupe, puis on n'aurait pas gagné plus rapidement. Puis... Ça, c'est le genre de mot qu'on dit après l'été. On aurait Trady Price, c'est le temps, là, il vaut de l'argent. Il vaut quelque chose, là. Ouais, c'est le temps, là. Ça, c'est même un style d'épaisse. Si Price avait accordé le même but que Howard a accordé en prolongation à la game contre des Rois, je pense que le monde aurait collé. À la Keller serait réglé. À la mais meilleur. Mais ouais, ben ouais. Je sais pas, si, je pense pas que je l'avais dit ici, mais tu sais, c'est parce que ça, c'est le monde qui voit comme Yrigi Sekatch qui s'en va, puis René Bourg. Ça a une gang de cartes. J'ai pas une bonne conversation, j'avais pas beaucoup de communication avec le coach, je savais pas vraiment qu'est-ce qu'il voulait de moi. Mais juste comme Yrigi Sekatch qui dit, ah ben moi, tu sais, il me demandait de jouer défensif, puis tu sais, moi, je suis un joueur là, en fait. Je m'excuse, là. Mais je pense qu'on voit le pattern avec Terrien, c'est que. Si tu rentres pas dans le système, ben d'accord, il va pas t'aimer. Mais c'est normal. Ah, c'est normal. Je peux comprendre que t'aimes pas le style de gameplay que Michel Therrien apporte dans une équipe. Ça, j'ai pas de problème avec ça. T'aimes pas le. Michel Therrien, c'est un coach défensif. Ça, j'ai pas personne qui. Mais le jeu, c'est parce que les joueurs qu'on a dans le club, là, tu peux pas être une équipe qui peut compter 6 buts par game. Non, mais là, ben tu sais, comme c'est catch, là. Puis il fait à la perfection. Il y aurait, mais ouais, mais je veux dire, tu sais. Il a tout le temps eu un style pas mal défensif. Il était avec les Pingouins, il avait un style défensif quand même. C'est juste qu'il y avait Malkin et il y avait Crosby. Mais il y avait Malkin et Crosby. T'es ailleurs là, quand t'as ces deux joueurs-là. En partant, il y avait Malkin et Crosby, il y avait Stahl dans ce temps-là. Il y avait une équipe boostée en tabarnak. Là, on gagnait la coupe cette année-là et tout. Sans lui. Ils l'ont donné. Ils l'ont laissé partir. Mais oui, je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que moi, ça m'écœure un joueur qui fait ça après et qui dit ah, ben le coach me parlait pas. Je m'excuse, tu te l'as sûrement dit plein de fois. Tu te l'as sûrement dit plein de fois que c'est quoi le système de jeu. Tu voulais pas embarquer dedans, mais il te répétera pas 10 000 fois. Et ça sera pas mieux que Bruce Boudreau, là. Non, ben gars, c'est la preuve. Il va capoter encore plus. C'est au joueur de s'adapter. Bruce, es-tu offensif ou défensif, Alex? Il est offensif, je pense. Il est offensif? Ouais, c'est ça. Ben, je veux dire, je suis pas écrit dans son livre. J'ai hâte de voir. Si on regarde les livres, tout le genre de comparer de son livre, Bruce Boudreau, je suis un coach offensif. Mais moi, je regarderais juste une stat dans les playoffs, là, c'est de voir les stats de DSP avec Sekatch. Je serais curieux de voir là, qui va performer le plus dans les deux. Moi, j'ai déjà la réponse. Mais là, mais si bon, juste aux stats, faudrait que tu peux pas juste se fier aux stats, je pense, avec ces deux-là. Non, mais c'est DSP ce amène-tu quelque chose de plus? Ben, c'est parce que ça a l'air qu'il y a des fans qui se fient juste au Corsi. Pis, mais on s'en calisse, ces fans-là. Puis moi, dans le fond, moi, c'est la contribution puis le caractère du joueur que je regarde le plus. Le Corsi, ça marche pas, le forecheck n'est pas considéré dans le Corsi. Genre, justement, faire mettre la pression, un échec avant pour que... Ça compte pas dans le Corsi. Ça prend du gosse dans les playoffs, ça prend énormément de caractère. Puis je pense qu'ils l'ont répété 100 fois en début de saison, qu'ils bâtissent leur club avec du caractère. C'est direct ça qu'il a fait, Bergevin. C'est catch, il en a montré qu'il n'avait pas. Non, c'est catch, lui, sa jupe est tatouée sur le corps. Parce que c'est catch, lui, il a dit genre, mais Terrien, Esti, il ne voyait pas dans son bol d'alphabet. J'ai pas été repêché. Non, mais c'est parce que, tu sais, je comprends qu'il veut jouer offensif, puis même moi, c'est un premier trio, puis je veux juste jouer offensif, je veux pas avoir de responsabilité défensive. Il a joué une game, Esti, avec Perry, puis Getzlaff, puis après ça, ils l'ont collé sa troisième ligne. Chris, Boudreau, il doit remarquer des choses. C'est sûr. Je pense que les deux équipes sont déçues. Pour de vrai, c'est un trade, ils ont échangé deux navets. Ben non, mais c'est un gamble qu'on fait, mais je pense que pour nous, c'est un gamble qui est beaucoup moins risqué que Anaheim. Parce qu'on sait exactement ce qu'on a avec DSP, puis on a un gars extrêmement robuste qui pourrait nous apporter vraiment là, du jeu très important dans les playoffs. Parce que quand je serais supposé jouer ses deux premières lignes, s'il jouerait son plein potentiel. Ben, c'est parce que son plein potentiel, je pense qu'il l'a. Bergevin, en entrevue, c'est où? Il était à Run Full, je ne me rappelle plus. En tout cas, il disait, ah, ben, je suis il faut évoluer ça sur 5 ans. Bon, ça, c'est un échange que, tu sais, on va savoir dans 5 ans si on a fait un bon trade. Comme, hey, c'est là, tu protèges le QNST. Ah, mais c'est ça, c'est la réponse facile. C'est ça, dans 5 ans, dans 5 ans. On va savoir dans 5 ans, tu sais, quand tout le monde va l'avoir oublié. C'est là, ça, t'sais. Il jouera même plus ici. Oui, mais les questions. DSP sera plus là non plus, là, parce que Steve va avoir croupi sur le sujet. Non, je pense que DSP, il va. Il y a des commentaires que j'ai pas aimés, DSP, quand justement il était pas là. Ouais, quand Chris, là, c'est quand même calice, là. Ça, je veux pas dans ça. T'sais, on veut des joueurs de caractère, mais dis-moi pas que à cause que je joue pas, tu t'en fous. T'es downgradé sa quatrième ligne que ça te dérange. Non, mais il a été coaché par Bruce Boudreau. Ouais, là, il va connaître c'est quoi le cirque à Montréal. Tu peux pas dire ça à Montréal. Je sais, mais je pense qu'il l'a dis-moi que ça te dérange. Je savais pas. Mais tu sais, il faut pas t'oublier une chose. Il y a 22-23 ans. Recule en arrière, de quoi qu'on avait de l'air à 22-23 ans? On était beau. J'étais un petit jeune homme très sérieux. On avait tous moins de bédaine. Potentiel. On avait moins de bédaine, plus de cheveux. C'est ça. Mais gars, oui, je comprends. On va donner la chance aux coureurs. Mais quand je me faisais bencher à cet âge-là, je voulais manger les bandes de ouais, c'est ça, Chris. Un qui a le temps sur le trail terrien, c'est Georges Larac, là, au show de JC Lajoie. Ah. Je l'ai pogné la semaine passée, cette semaine. Ah, mais lui, il mange pas de tout. Non, mais des fois, parce que Lajoie, il poste les sujets puis les commentaires sur Twitter. Puis quand il y a des affaires vraiment weird, je vois, ils écoutent un peu. Puis là, c'était. Larac qui disait qu'après une saison complète, il comprend pas encore le système de jeu de Michel Therrien. Ah, mais lui, il est végétalien. C'est pour ça que tu joues pas, c'est pour ça que tu joues. T'as pas ça qu'il joue en Norvège? Il est végétalien. C'était pas Brashear, ça, en Norvège? Ou? Non, mais l'autre aussi, là. Larac était dans une équipe en Norvège. Il a pas joué. Ben, c'est ça, je me demande. Pour moi, il a collé dehors quand il a vu Chris, t'es pas en bonne couleur. C'est le genre, voilà, laisser dans le show. Ça, je peux. T'es un grand blond, je veux bleu, toi. Fuck! Il a invité sa page Facebook. Il a reçu une invitation sur sa page Facebook. What the fuck? Non, mais vraiment, là. Il est allé. Wow. Ça, c'est une joke, c'est vrai. Non, c'est un jeu. Faudrait que je retrouve l'article, mais il était invité sur sa page Facebook. Hey, vas-tu venir jouer en arrière? Je pense pas assez de protéines. Tu vas manger du poulet. Ben non, il est overweight en plus. Hein, oui, je sais. Comment tu peux être gros en mangeant des. Une de grosse bétaine. Manger des légumes, c'est-tu, puis du tofu. Ouais. Wow. Des légumes et du faut que t'en manges en tabarnak. Bois de la Edo Biel. Bois bien, bien, bien, bien. Bois de la bien. Non, mais vraiment, Larac. Tranches de pain. Larac, là, c'est quoi le petit. C'est pas une lumière. C'est la connexion Wi-Fi qui chie en ce moment. C'est pas très grave. Ça coupe, mesdames et messieurs. Ceux qui sont en direct seulement, donc on s'excuse pour Jasmin qui est dans le chat, puis Hockeyman, là, il est. Prochaine fois, je vais plugger mon laptop. Oui, Bavoumi. Bavoumi, pas là en ce moment. Ah, c'est de valeur. Maintenant, section mortuaire là, du Canadien. On va passer à la section. C'est un Suisse. Décès de Elmer Lack à 97 ans, le dernier membre vivant de la Punchline. Ouais. Puis Dollard Saint-Laurent. Ouais, Dollard Saint-Laurent qui est l'autre. Saint-Laurent. Respect Elmer. Ils ont donné 2 minutes aux Canadiens pour faire un honneur à ces deux joueurs-là. Ah ouais. Ouais, puis en fait, un honneur aussi long, hein. Entre la première et la deuxième, je pense, dans l'entraque pour Elmer Lack. Ah, ça se peut, de quoi. Ouais, mais c'est parce qu'Elmer Lack. Je veux dire, pas super connu. Ouais. Mais c'est parce que c'était un des derniers qui restait aussi dans cette vague-là. C'était le plus vieux, je pense. Ouais, c'est le plus vieux ancien joueur de CF. Il avait quel âge, je pense? 97. Calvaire, c'est beaucoup. Il me semble qu'il est encore debout. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. C'est beaucoup d'années. Il portait sûrement des couches. Tu peux passer à un article que j'ai à Montréal, mais j'en parlerai pas parce que c'est vraiment... Ce décès d'Elmer Lack est une commandite de Depends. Ah, oh, ben, tu sais, man, oui. Alors, il était hot. Moi, je voulais, pour de vrai, quand j'avais, au début, mon idée, je voulais faire un chandail du Canadien, lui, tu sais, nobody has him. Tout le monde a Richard, tu sais. Lack, je dis, moi, je vais faire mon chandail, Lack. Qui lui? T'as un joueur du Canadien, là. Punchline. Puis, ben, Dollard Saint-Laurent, j'ai aucune information sur lui en ce moment. Lui, je pense qu'il a joué dans les années 20. Il s'appelait Dollard. Dans les années 20. Non, Ok, fait que je joue avec Jean Poussy. Jean Poussy, l'homme qui s'announe. Non, il a joué, il est né dans les années 20. Ça marche, mais. Il est vieux en Christ, lui tout, là. Il avait comme 80 cucks, là. C'était pas un petit jeune, là. Non. C'était pas un jeune fringant, là. Il sortait pas de l'école, lui-là. Là. Il est-tu mort à l'hospice? Je sais pas, là, l'histoire le dit pas. Non, il y a juste l'autre. Non, il est mort dans les résidences soleil. Bonjour, mon nom est Eddie Savoie. Jean du Belaouge. Bon, fait que ouais, Jean Poussy. Jean Poussy, là. Puis Eddie Savoie, là. Je voulais juste vous dire. Et les deux ont gagné combien? 3-1. Asti. Les pingouins sont dans la marde. Les pingouins sont dans le jus. On fera ça dans le jus de papayute. Et voilà. Fait qu'on pourrait se pogner contre les Islanders, ça? Non. Non, impossible. Non, là, impossible. C'est impossible. On peut se pogner contre les Pingouins, les Sénateurs ou Detroit. Ça a été beau. Price à lac. Il y a une équipe là-dedans que j'aimerais moins affronter que les deux autres. C'est ça. Fait qu'on continue avec les morts. Continuons avec les morts. Celle de François Gagnon. Les morts de la semaine. Le fanatique. Vous parlez de la blessure à Pacioretty, est-ce que ça vous inquiète à la... Ben, il y a la commotion, là. Ben, ça, on l'a vu dans sa face quand il est tombé. Ben, moi, je suis pas un professionnel, mais ça laisse porter à croire que c'est une commotion cérébrale. J'ai pas les outils qu'il faut pour analyser ça, mais... Non, commotion cérébrale. Cérébrale. Ouais. Premièrement, je veux dire à la presse que vous êtes cave. Puis, deuxièmement... Mais où es-tu présent? Non, mais le problème, c'est Richard Labbé, là, t'sais. Come on, asti. Je m'en fous de savoir ce que le docteur qui étudie en chimie, qu'est-ce qu'il pense de la blessure de Pacioretty. On sait tout qu'il est blessé, puis je respecte le fait que le Canadien ne dévoile pas la nature de la blessure pour le protéger. Tu m'avais envoyé un extrait audio, je l'ai pas pris de Terrien parce que c'était pas super intéressant à écouter, mais il disait juste comme non, on vous donne pas d'infos, puis il jouera pas le prochain match, puis on va évaluer sur une base régulière. Puis... C'est ça, puis il essaie, mais c'est 10 jours en partant, quand il s'est déclaré une commotion, le protocole de la NHL, c'est 10 jours. Fait que techniquement, il devrait revenir pour peut-être le début de magasiner hier, ça a l'air. Là, ouais, tout était beau. Mais non, mais il doit être juste en genre de prévention. Il est allé au cinéma. Moi aussi, Je des body box. Il faudrait qu'on appelle Dr. Ricky et demander qu'est-ce qu'il en pense. Vraiment. Mark Ricky? Ouais. Il avait dit, ouais. Dr. Dans le temps que Cheryl avait ramassé sur le bord de la bande, il avait chialé qu'il était allé au cinéma une couple de jours après. Voyons donc. C'était qui le gars qui était blessé, qui avait fait du ski? Malakov. Il s'est fait coller des hauts de l'équipe et tout. Ouais, ça n'a pas été long. Mais gars, il est blessé, il va revenir. Ouais, pour de vrai, pour l'instant, ça ne m'inquiète pas. L'équipe a pris le lousse. Il y avait un extrait qui était drôle dans cette entrevue-là avec Terrien. C'était un journaliste en anglais qui dit « Ouais, mais t'es-tu inquiet pour le power play? » Vous êtes juste 16%, hein? Puis Terrien répond « Ben, je suis pas inquiet, mais toi, t'as l'air d'être inquiet en crise parce que tu m'en parles à chaque jour. » Non, c'est ça. L'arrogance de Terrien est incroyable avec les journalistes, là. Mais après 80 matchs, puis en plus, on a compté 8 buts, esti, pendant que l'absence de Pacioretty, c'est quand même bien. Hey, j'ai vu une stat sur Internet hier ou avant-hier. Dans les 3 dernières saisons, quand le Canadien joue sans Pacioretty, on a une moyenne de... Avec Pacioretty, on a une moyenne de 2.75 buts par game dans les 3 dernières saisons. Sans Pacioretty, 3.14 buts par game. Ouais. Ben, c'est ce que les gars se lèvent. On dirait que. Quand Pacioretty est là, si à fuck, il n'y a pas personne qui va compter des buts, faut en faire. C'est pas impossible. Ça a l'air de ça, ben vrai. Comme Pacioretty va le faire, on le fera pas, mais. Ça peut pas être ça pour vrai. Je peux pas croire qu'il y a des athlètes professionnels. Ça, c'est les fameux stats que tu peux faire parler. C'est facile à parler, mais je trouvais la stats quand même drôle. Là, ils ont sorti ça pour que le monde panique. Dire, regardez, là. Ça va être. Mais non, mais en même temps, tu sais. Je calculais ça. Ouais, qui c'est qui t'a. Le joueur de Montréal. Les stats, t'es à taper. Ce game-là, il était pas là. On va prendre ce game-là. Ils ont compté 4 buts. Ah, fuck, j'ai accroché le point et ça recommence. Mais. Ça a donné qu'il y a une game là-dedans. Ils ont affronté une d'équipe de cul, man, pis genre, ils ont compté, ils ont gagné 7-2, là, t'sais. Pis y a même Richard Labbé qui a osé dire... Pacioretty, il représente 17% des buts marqués du Canadien de Montréal cette année, pis si on calcule les passes, on est rendu à 34. Calme-toi, Richard. Calme-toi, Richard. Enfin, à l'école, Richard. Ce gars-là, là, c'est le seul journaliste qui est arrogant à fond. Je l'aime pas, lui. Tu vois ça, c'est lui. Non, je l'ai. Labbé, ouais. Pour l'avoir eu une conversation cheveux. Avec lui en plus, puis il m'a corrigé parce qu'il trouvait que j'avais pas un bon français. J'étais sous, esti. Qu'est-ce que c'est, Richard Labbé, pendant que t'es sous? Ben, je pensais que tu fais des bras, c'est un gars de boxe, j'étais sous. J'étais avec Jean. Je pensais que tu buvais au Elisabeth à la prairie. Avec Michel Lacroix qui se tient là. Ben non, parce que j'ai dit à Richard, je dis, hey, Richard, qu'est-ce que tu penses, la game de boxe? C'est pas une game, c'est un match. Oh, tabarnak! Aïe, aïe. J'étais ben trop sous pour réaliser. J'étais comme bouché, j'étais comme. Le sneakerette! Puis là, je mourrais Jean Tremblay avec son téléphone Fido, esti. Son téléphone avec un enfant. Un flip! Si t'avais ton doigt, là, tu serais mis d'en face, hein, mon tabarnak! C'est sûr, esti. Puis j'espère que mon doigt aurait été en métal à ce moment-là. Mais en tout cas, bon, ouais, faut pas s'éteindre. Quelle violence, un doigt de T-1000. Reste 5 minutes, on s'en va en playoff officiellement avec le Canadien. Un doigt de T-1000. Je me demande si Bergevin va encore nous faire une petite danse cette année. J'espère. Il est allé à Salvaille cette semaine. On en parlait avant le show d'ailleurs. Bergevin qui choisit où ce qui passe. Salvaille. Penelope passe à ces places-là. Penelope. Mais il va pas au show de JC la joueur. On sait bien. Monsieur Radio X. En tout cas, c'est pas pour ça. Je veux pas embarquer là-dedans. Là, c'est pas ça. Je m'en vais sur un autre sujet complètement. On va déjà me dérape. Mais tu dérapes tout seul. Dérape complètement dans la tête. Là. Non, je vais faire un extrait de Bergevin à Salvaille qui parle de. Il explique sa danse de l'année passée qu'on a tellement vu et qui était respinée. Non, ben, on voit aussi l'explication de Bergevin. Habituellement, on met sur la galerie de presse, mais à Montréal, avec les réseaux francophones et anglophones, il n'y a pas de place à Tempo. Fait qu'ils m'ont mis une suite. Puis moi, je pensais, parce que je sais quand je suis dans une suite, que les caméras sont sur moi. Mais quand je suis dans une loge, je pense pas que je... Mais Donald Beauchamp, il s'est échappé, puis il a dit, écoute, Marc, il était en suite 3-16. Puis quand on a marqué, puis là, ce qui est arrivé, c'est que j'étais un peu... J'étais un gars nerveux, émotionnel, fait que là, j'ai cherché un peu, puis là, ils ont changé ça. Tu sais, j'ai pas fait ça 5-6 fois, j'ai fait juste... C'est que t'essayais de faire des high-fives au monde, mais personne n'en faisait. Tout le monde se tossait, puis là, mais là, j'étais là, puis là, finalement, mais c'est ça qui est arrivé. Il y en avait deux en bas qu'on voit pas, puis les autres, ils sont virés de bord. Tu sais, le directeur général qui veut faire des high-fives au monde, mais personne n'y en fait... Alors, mais là, donc, tu dansais bien du haut. Cette année, je te suggère le bassin. Le bassin? Ça, oui. Les hanches. Les hanches. Oui, les hanches. Ça, c'est bon. C'était son explication. Ça ne sert absolument à rien, mais c'était bien plaisant. C'était comique. Alors, check, voilà. C'est-tu de Salvaire? Moi, je te suggère les hanches ta gueule. Vraiment, là. Ah, il est partout, en plus, ce style-là, man. Il est même des pubs à télé, man. Salvaire, c'est des pubs de lavage. Ah, il est des pubs de récupération, des pubs de Saint-Hubert. Il y a plusieurs émissions qui jouent à V. Il y a des recettes pompettes avec Louis Morissette. Louis Morissette, il regarde et il dit, toi, à un moment donné, là, t'as arrêté d'y croire, là. Ça se pouvait plus, là, que tu deviennes populaire, toi. Comme ouais, il dit comme tes shows, c'est de la merde en 2007, là. C'est tout, depuis y croire, rendu là, t'avais abandonné, là. C'est un animateur de fou. C'est un animateur de fou, c'est la petite vie, là, lui-là. Là. Mm. Tu l'entends rire quand t'écoutes la petite vie. Vraiment fort en arrière. Parce il, que a, il a commencé par jouer à des jeux télévisés, là. Ouais, c'est même. La roue de fortune, puis... Ouais, puis ouais, c'est joué avec au Québec. Ouais. ouais, on l'a dit tantôt, Price fracassait le record de Ken Dryden et Jacques Plante avec 43 victoires en saison régulière. Wouhou! Faites 44 de même. Faites en combien? 60, je sais pas combien. 65 matchs. 65 matchs, c'est pas beaucoup. C'est genre un ou deux de plus que Dryden. Puis, ouais, mais il faut que je pose la question, là, moi. Est-ce qu'on met un astérix à côté de son record vu que maintenant on compte les victoires en tir de barrage? Non, et on, Dryden puis Plante avaient un club beaucoup plus fort que Price, là. Ça, c'est l'autre point, ouais. Effectivement. Moi, j'en mettrais pas, gars. C'est rendu ça les règlements, puis c'est le record. Ouais, record, c'est le record, moi aussi. Là, c'est moi, ça, moi, je prends plus. S'il avait fait en plus de game, j'aurais pu comprendre de vouloir mettre une astérisque, mais c'était à peu près dans le même nombre de games. La différence, c'est que le jeu a changé. La Ligue nationale. T'as plus de nul. En même temps, c'est meilleur pour le show là, qu'il n'y ait plus de nul. Ouais, c'est quand tu vas à une game et t'as de nul, c'est nul. C'est nul. Oh, quel bon terme. Nul, c'est nul. Alors, check. Mais gars, mais petit commentaire là-dessus, c'est que c'est hâte que notre génération, on en ait un. Ben oui, c'est cool en gris. On n'a pas ces plantes de poney. Dryden, moi, je t'ai pas né non plus. Dryden, c'est des années 70. Ouais. Mais tu sais, c'est cool que Chris, on voit, hey man. De le voir gagner. On a été témoin de ça. Tu sais, Roy a pas fait ça, là. Non, entre autres. Ouais, je pense que c'est 38. Plus que ouais. En exactement. Games, exactement avec Burns. Parce que... Ouais, ça, il nous resterait la coupe, là. Mais même si celle-là, on l'a vu. Ben, je sais pas. Il y a comme eu un mot qui a pas ça. Quoi? Bon, de moi, ça? De ma lettre. Il a dit avec Burns. Je pense qu'il a mis ça dans sa bouche. Ça va. Puis ben, Malette, à soir, il fait des drôles de ça ou il en fait pas tout. Genre, là, c'est la bière, là, c'est la Hoe Garden. La Hoe, hein, c'est une bière de pute. Ben justement, Dave, merci pour le segue. Ginette Renault sera de retour au Centre Bell. Je suis pas gentil. Ginette de retour au Centre Bell pour l'île nationale pour les playoffs. Hey, ça, c'est plus chiant de parler de Chantal. J'avoue qu'elle était peut-être un petit peu chiante, celle-là. Je l'ai vu, Chantal, by the way. Ah ouais, elle a l'air comment? Elle voulait se l'échanger. C'est une mille, ça. Non, mais je vois le film, non. Chris, c'est pas pire ou lui. Moi, tu le regardes, Chris, j'entends ma cabine. Moi, j'allais dans une soirée. Dans sa BM. Soirée pour ta cassette récemment, puis il y a des gens qui m'ont parlé de nos commentaires sur Chantal. Là. Puis quelqu'un m'a dit que ça a l'air que Chantal Maccabée faisait de l'échangisme avant. Oh! Ah, ouais. Alors, on était peut-être pas loin dans nos... Non, mais Chris, c'est moi, mais non, mais je l'échangerais. C'est un petit shot. Alors, je l'échangerais pour essayer. Là. Ah, ouais. Fait que sur ça, on va aller faire la deuxième entraque, puis on vous revient pour la troisième période avec Round the NHL. On est retour pour la troisième période. C'est un suicide. Et c'est maintenant le temps de tout... Oh, je me sens encore trompé, esti. C'est maintenant le temps de faire le tour de la Ligue nationale. Around the NHL. Autour de la Ligue nationale. Je pense que sur 12 épisodes, je l'ai pas dit une fois correctement cette année. Bon. C'est correct, c'est correct. On pardonne. Voilà. L'année prochaine, t'es d'avoir! T'es d'avoir! Si ça arrive, il n'y a plus de show. Bon, voilà. Jeff, on va avoir besoin de tes infos sur ton iPad pour les prochains sujets. Prêt de Power Twist. On va être prêt, Steve. Oh, excuse-moi, Dave. Je vais te marquer pour les playoffs. Bon. Premier sujet, il y a une analyste de Hockey News qui propose aux Pingouins d'échanger Crosby pour McDavid. Veux-tu qu'on parle de ça, JF? Oui, ouais. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que lui, il pense que ce serait une opportunité pour les Pingouins de rebâtir le club. Renouveler la flotte. Oh, mais exactement. Tu n'échanges pas ton seul joueur de concession. Là. Ben, pas ton seul, mais ton top player, là, me semble. Ben, de là où, ce que je, dans le fond, je trouvais que c'était intéressant, c'est de savoir, là, mettons, si vous avez la chance. Mettons, mettons ça, c'est un journaliste anglophone. Okay, hein? Ils aiment bien, toi, ceux-là. Hein? Pas lui, tu es d'accord. Il est d'accord. C'est pas Richard Labbé, je suis d'accord. Mettons là que t'es Pittsburgh. Ouais. Tu le ferais-tu? Je suis Pittsburgh. T'es la ville. T'es Pittsburgh. T'es la ville. Tu le fais parce que tu veux rajeunir ton club tout le temps pour garder ça. C'est ça. Ben, dans le fond, l'autre affaire, c'est que mettons le club qui a le premier choix, là, s'il fait le move. Lui, le fais-tu? Ben, lui, il est cave. Parce que Crosby, on s'entend que, tu sais, les commotions qu'il y a eu, tout ça, là. Il reste peut-être, je te dirais, 6 bonnes années encore, là. 5-6 bonnes cette années. Cette année, il n'y a pas de dominé comme il espère. Ouais, mais attends, cette année, là, dans la Ligue nationale, le côté points, là, on ne verra même pas de joueurs de 100 points, man. C'est rare. Hey, man, on ne verra même pas de joueurs de 90 points, je pense. Je pense que la dernière fois que c'est arrivé, c'était en 98. C'est ben, justement, ils ont parlé au lac à l'épaule, là, des directeurs généraux, là. Au caraton, là. Okay. Comme quoi qu'il n'y avait pas assez d'offense dans la ligue présentement, les goalers trop dominants, pas assez de buts qui se marquaient. Non, mais hey, t'as peur, là, l'année passée, les goalers étaient quand même assez dominants aussi. Puis... Ouais, mais il y a eu plus de buts que ça l'année passée, par exemple. Peut-être, mais même l'année passée, Crosby a fait 100 quelques points. Hein. Ouais, c'est vrai. Effectivement. Ben, moi, je le ferais pas. Ça, non, c'est ben, ça. Moi, je le ferais pas si c'est le team qui est le premier joueur. Non, mais non, je le ferais pas, je serais Pittsburgh. Ah non? Non. Je ne ferais pas Crosby, mon nom. Oui, Crosby? Ouais. Parce que dans le fond, c'est... parce que Pittsburgh, là, dans leur situation salariale, là, sont dans la merde parce qu'ils ont comme plus de place pour signer des joueurs. Non, mais tu fais pas d'un Gretzky. Moi, je dis, tu sais qu'est-ce que t'as, pis c'est ton joueur de concession. Tous les joueurs se font échanger. Même Gretzky. Yeah, ouais, pas Markov. Tu compares-tu avec Gretzky, toi, là? Non, mais je te dis que c'est le joueur de concession de merde. C'est très proche. C'est une comparaison moderne qui est pas loin de la réalité. Je veux dire, c'est le Gretzky de nos temps. Je veux dire, malheureusement. Ouais, mais attends un peu, le Gretzky. Malheureusement. Gretzky, là, je sais que c'est, tu peux pas faire ce genre de comparaison-là parce que chaque époque a son type de joueur, mais Gretzky dans la Ligue nationale aujourd'hui, man, il ferait pas mieux que Crosby, je suis sûr, man. Avec son petit Chris de Casselette. Hey, man, ce gars-là, man, sa chic, pchétive, mon gars. Il n'y a pas personne qui le touchait, Gretzky, parce que il était protégé puis il y avait comme un aura autour de Crosby. Tu peux pas plaquer Gretzky. Crosby, Gretzky. Qu'est-ce que j'ai dit? Crosby. L'affaire que je veux en venir, c'est que Crosby, dans ce temps-là... C'est pas qu'est-ce que McDavid va donner dans la Ligue nationale. C'est ça. Selon les experts, McDavid est meilleur que Crosby. Tu vas le savoir quand tu vas avoir genre 3-4 saisons dans la cravate. Ça va commencer, mettons, la première saison. Crosby a eu tant de points, McDavid a eu combien de points? Ah, mais c'est ça, ça, mais c'est ça. Mais Crosby va le clencher. C'est là-dessus, si tu compares les points. Je te parle, mettons, la première saison que Crosby a eu versus la première saison de McDavid. Ils vont Crosby va le meilleur. Crosby est meilleur que McDavid l'est présentement à son jeune âge. Là, ben non, c'est parce que la plupart des revenus, comme McKinnon cette année. Ouais. Il y a plus de points cette année dans le junior que Crosby en avait à sa dernière année dans le junior. Qui ça? Je parle McDavid. De McKinnon. Ben, lui, il parle de McDavid. Moi, ouais, je parle de McDavid. McKinnon, c'est un parle de Crosby. McKinnon, cette année, c'est top. Il fait sa deuxième saison, man. Puis, regarde, il fait rien. Ils ont tous le même joueur. Il y a plein de recrues qu'à leur deuxième saison, man, ils font ils s'essoufflent, là. Ça remonte après. Crosby, c'était pas pou-pou-pou, là. Non, il a resté off, là. Mais peut-être que McDavid. Ben, ça se peut, ça, tu le sais pas. C'est pour ça que je te dis. C'est dur à te savoir. Je te dis, tu vas le savoir après trois. C'est pour ça que moi, je prendrais pas le risque. Moi, je trouve que dans mon jeune temps, là, dans le temps qu'on collectionnait les 4 Pro 7 puis ils étaient tous maganés, là, on était bien plus choyés avec les Gretzky, les Lemieux, Bretol. Aujourd'hui. Ouais, mais la game a changé, GF. Ouais, mais tu sais. Je suis pas nécessairement d'accord avec ça. Parce que, tu sais, je veux dire, tu parles d'une autre époque où ce que. Chris, je veux dire, tu regardes des top goals de Gretzky, man. Il comptait des buts, il faisait le tour du goal, puis le goal-là le suivait, man. C'est comme tabarnak, là. Yeah. Mais excuse, tu verras plus ça aujourd'hui dans les nationales. Fait que, tu peux pas comparer le joueur de... Moi, j'ai ça comparer les époques. On aura plus des joueurs qui vont te compter genre des 200 points par saison, presque, là. Non, c'est sûr, pendant je sais pas combien de saisons. C'est impossible. Le seul qui a eu plus de points, qui s'est rapproché le plus, c'est genre Lemieux. Ouais. Puis, je veux dire... Il avait pas un bon dos. Puis tu sais, je veux dire, puis pour moi, Lemieux, moi personnellement, j'ai toujours préféré Lemieux à Gretzky. Pas parce qu'il y avait parce que Gretzky avait des meilleurs stats que Lemieux. Il était probablement un joueur plus complet. Mais Chris Lemieux, là, il était pas surveillé par tous les joueurs de son équipe. Hey, plaquez pas Gretzky. Hey, des fois que vous le blessez dans le dos, Chris, il y a une scoliose. Il est trop maigre. Gretzky a une scoliose, moi. Ben, gars. Mais anyway, ouais, je pas. Moi non plus. C'est mon opinion. Moi non plus. Ben, I wouldn't trade Crosby. Ouais. T'es fou, Trady Crosby. Non, mais. Ouais, tu vois, au début, je partais de. Ouais, ouais, man. Mais là, finalement, à force d'y passer, je sais c'est pas. C'est carrément fou. Tu tues comme DG, mon gars, Trady Crosby. Je sais pas parce que. Contre McDavid. Ah, ouais. Non, parce tu sais pas ce qui va te donner. Moi, je pense que. Like a box of chocolate. Non, parce que je sais que la réalité du plafond salarial puis tout ça, je pensais que je le mettre sur mute. Calice. J'aurais bien aimé ça. Ça marche pas. Mais avec la réalité du plafond salarial puis avec la marde que les pingouins sont présentement, moi, je le ferais le move. Parce que je pense que McDavid, c'est comme si tu mettrais le cadran à zéro. Le counter to reset. Ouais, c'est ça. Mais en partant, peu importe si t'es le pingouin puis tu décides, moi, je vais le faire. T'es vraiment à Christ. T'es décidé en esti si tu décides de le faire. Premièrement. Tu viens de cracher sur quelque chose de vraiment que tu veux avoir. Deuxièmement, si t'es le team qui trade son premier choix, t'es un tata, c'est quoi ça? Il y a comme un feedback bizarre dans mes oreilles. C'est sûr que le gars qui échange McDavid, il est fou. Mais il n'y a pas personne qui va changer McDavid. Échange ton premier choix. Ben, le premier choix, c'est McDavid. Ouais, mais je veux dire, c'est qui? Ouais, qui va l'avoir, le premier choix? Buffalo, genre. Ça reste à voir. Ça va être Buffalo. Ça va être Buffalo, Edmonton, Toronto, Arizona. Ça va être dans ces teams-là. Hey, you can't. Imagine-tu, ça va à Toronto, cette calice-là. Eh boy. Moi, ça me ferait chier parce que je souhaite que McDavid soit dans l'Ouest que dans l'Est. Moi, je souhaite juste que McDavid s'en aille pas avec Edmonton. Là. Ouais, ouais, ouais, s'il vous plaît. Là, tu vas aller scraper. Mais ça dérangerait pas parce que McDavid, imagine s'il est repêché par Buffalo. Est-ce qu'on va jouer contre lui sans On m'a fait Tyler Myers. Ouais, mais. Mais regarde, c'est ça, tu sais pas qu'est-ce que tu vas avoir. Peut-être qu'il sera même pas. Tu sais, je dis, il va être bon, mais peut-être qu'il sera pas aussi bon que tu penses. Regarde, mais cette année, là. On, dans le fond, on pourra s'en reparler dans un an. Cette année, là, si le meilleur joueur, le meilleur pointeur de la ligue, s'il avait pas été blessé, ça aurait été probablement Tyler Seguin, man. Ouais. Ouais, je sais, j'avais mon qui l'aurait vu venir à ce niveau-là à faire autant de points, voilà quelques années. Pour les Bulls de Boston, en tout cas. Dave tape ça à la tête. Fait que, il manque juste une coupe de bague, j'avais l'air de genre. T'as vu un sport, là. T'as vu un sport, ou soit un Mercado, là. C'est qui fait ça? Je sais pas, mais ils font tout ça, man. Bergeron doit faire ça avec ses bagues, là. Ouais. Bon, fait que, ben, pour résumer, McDavid. Qui mange la main, tabarnak! Voilà. Ben, quand même pas, là. Ben. Non, il se fait que du bonheur. Mais les deux premiers choix, de toute façon, c'est des choix que l'année prochaine, ça joue dans la Ligue nationale, c'est sûr. Là. Ouais. Prochain sujet qui est, selon moi, une aberration totale. Rob Ford a été nommé dans les membres de direction du Hockey Hall of Fame. Rob Ford, là, c'est pas mal. T'es pas supposé être un gars respectable pour être au Hockey Hall of Fame pour diriger ça, Calis. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Ouais, c'est juste un comité exécutif. Ah, mais ça, si, c'est le temple de la renommée du hockey. Pourquoi Rob Ford est là? C'est Toronto. Tout ce qu'il a fait, ce gars-là, c'est être reconnu pour avoir pas dit, là, c'est le country club, là. Ah, ouais, ouais. Changez-moi ça. C'est Beaver Hall, ce gang de favoris. Beaver Hall. Non, mais je vais dropper l'information. That's a nice beaver. Nice beaver. Yeah, just shaved it. I got it stuff. I got it stuff. C'est hot. Check, mais c'est une aberration. Voilà, point sur la table, je l'ai dit. Qui mange la merde, tabarnak? Hey, je peux l'en mettre, hein. Qui mange la merde, tabarnak? Ah, puis non. Rob Ford mérite un Gilles Proulx plus long. Qui mange la colisse de merde, stick. Qui a chier, qui mange la merde, qui mange la merde, qui a chier. Wow. Love it. Love it. Il y a pas quelque chose qu'on pourrait aller chercher de mon grain, il me semble. Mon grain, assurément. Ouais, c'est sûrement quelque chose de mon grain. C'est sûr, il y a là, c'est tout mon grain pète sa coche. Je préfère ses gros yeux caméra. Non, mais en sonore qui dit qu'il y a une opération, c'est sûr que ça sera excellent pour le soundboard. Mais même, Gilles Proulx pour la saison 3. Gilles Proulx, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup que je pourrais prendre de lui dans son extrait qui est très, très long. Là. On le fait saison 4 ou saison 3? Saison 4. saison 4, je pense. C'est la troisième saison qu'on fait. C'est même l'épisode 32 aujourd'hui. C'est un milestone. Milestone. 32. Alors, c'est plus qu'on a fait. Une autre aberration, les Kings qui vont regarder les playoffs. Première depuis les Kings en 2016. Ils ont gagné deux coupes dans les quatre dernières années. Non, mais c'est trois ans qu'ils ont ma fête. Ils prennent ça relax. Je pense qu'on va faire les playoffs à la fin. Non, mais là, ils sont out pas à peu près. Là. Ils ont 93 points, puis je pense que cette année, ils sont fait pogner le propre jeu. Comme 97 ou 98. Là. Ça va, oui. Mais cette année, ils sont fait pogner en essai. Si on faisait 3 ans qu'ils faisaient ça. Là. Ben oui, mais ils ont fait un crise de bout avec le fou qui a battu sa femme. Voinov. Voinov, ouais. Ça leur a fait mal en crise. C'est assez. T'es bien moins en moins. Puis tous les joueurs des Kings, mettons les vedettes, ils ont tous connu une saison de marde en plus. Qui quoi? Tous les gars des Kings, là, les meilleurs joueurs, ont tous connu une saison de marde. Ils sont des colissiers Richards en plus parce que. Ça, c'est une gaffe de Dean Lombardi. Il aurait dû racheter son contrat. Asti. C'est pas parce que le gars, tu l'aimes bien là, que tu vas y faire. Ouais, mais racheter son contrat, c'est attention. S'il faut que rachète Voinov, là. Ouais. Il peut plus racheter de contrat, là. Il faut qu'il paye. Ok, ben c'est ça, mais pourquoi il n'y a pas racheté? Ben parce que cet été, il y avait encore le droit de racheter un contrat sans être pénalisé sa masse salariale. Ouais. Puis il l'a pas fait. Puis il peut pas racheter Voinov parce que Voinov a battu sa femme après. Oh, les innocents! C'est pas possible dans le time frame qu'elle a mangé sa slack, là, Rusty, là. Ça s'est passé qu'elle date, là, la veille. Veuillez mettre la date que vous avez battu votre femme, s'il vous plaît, puis la date que vous avez signé votre contrat. Quand est-ce qu'elle l'a eu, sa bornif? Ben, regarde, au moins les Flames le font, puis yes, sir. Ouais. Hein? Prochain. Ouais, les Flames font les playoffs. Hey, Bartley. 5 équipes canadiennes. Bartley. Ouais. Bartley, j'ai eu peur, ça, dans les questions. Ça, man, là. Hein? Excuse-moi, j'ai pas vu. Non, c'est bon, Bob, là, pareil. Petit Bob, mais tabarnak, man. Il a pas chié dans les coins. Il a pas chié dans les coins. Il va gagner, là, Jack Adams et tout. Prochain sujet, c'est ça. Tu penses, hein? Il serait un bon candidat. À voir! Qui les candidats pour le Jack Adams? Oh, j'ai pas même pas de notes là-dessus. Ben, il y a lui, Bouzo, probablement. Mais il va avoir lui, il va avoir le coach des candidats. Je sais pas parce que dans le fond, il y a deux saisons suites qui ont tout de 100 points. Ben, moi, je le considérais. Je gagne le Jack Adams, je le déduis aux fans de Twitter. Tu le déduis? Je le déduis, fait que tu l'auras. Ah, non, c'est déduit. Il va te replacer ça sur le direct. Prochain sujet, Henrik Sedin a obtenu une 700e passe en carrière. Il devient, par le fait même, le 52e meilleur passeur de l'histoire de la NHL. Et qui est en avant de lui? Je le sais pas. Ah, ben là, c'est incomplet, ça. Ah, check. On s'en calisse. C'est justement, c'est la section. Ah, ça, on s'en calisse. C'est vrai. Hey, hey. On s'en calisse. Les casquettes s'en viennent. On ferait de l'argent. Une casquette avec un hashtag, on s'en calisse. On met notre logo en front, puis on s'en calisse sur le côté. Ok, on a-tu quelqu'un qui fait de la casquette qui est prêt à nous faire ça? Y'a-tu des gens de maître casquette? Ça nous prend une belle casquette brodée, là. Tu sais, quelque chose de pas de cheap avec là, imprimé. Le casque en arrière, c'est on s'en calisse. Je mettrais l'hashtag en avant, comme ça, sur le côté un peu, puis le petit logo en arrière. C'est vrai. Ouais, ça serait ça à coche, man. Avec le doigt sur le côté. Belle casquette genre blanc, rouge, ou quelque chose de flash, là. Le prochain sujet, on va avoir besoin de Jeff. Oui, avec une palette rouge. Tu sais, old school. Une vieille casquette des expos, là. Ouais! On s'en gâle. Avec une hélice. Il y a des joueurs de la NHL qui ont commenté l'ascension de Paturity. GF, je pense, t'as des trucs là-dessus. L'ascension. Il y a, y a des gens qui ont commandé l'ascension. Il a chanté l'ascension. We're gonna do drop acid. Fuck, le lien marche pas, mais dans le fond. Non, ça y est. C'est un média qui a décidé de poser la question à plusieurs joueurs de la Ligue nationale, dont Brian Gionta, pour parler de l'ascension de Max Pacioretty. Ça, c'était avant sa blessure. Puis Brian Gionta disait clairement que c'est lui qui devrait être le prochain capitaine, qui est extrêmement... Ça va être en même temps, là, qu'est-ce que Gionta pense, là? on s'en calisse. Et voilà! Dès que ce gars-là, il a dit que Travis Moen devrait être le capitaine. Ben oui, il dirait ça, man. Mais le c'est son genre de parler en mal. Il parle peut-être pas en mal, mais je me calisse-tu de l'opinion de Brian Giunta? Hey, man, occupe-toi donc des sables. Hey, donne-moi ton doigt, puis call out Giunta, man. Je sais pas, fais quelque chose. T'es trop petit! Calisse-tu son opinion à lui, man? Non, mais à la fin de l'article, par contre, ce qui m'a le plus surpris, là, c'est que... Ils ont même posé la question à Zdeno Chara. Zdeno. Pour demander qu'est-ce que tu penses de Pacioretty. Non, il a dit ça, c'est le genre de gars j'aimerais voir dans mon club. Il a dit vraiment, il est dominant. Ça, il n'y en a pas gros de joueurs comme lui dans la Ligue nationale. Fait que Chara, il a vraiment il a voulu licher le cul à Max Pacioretty. Fait que j'étais extrêmement. Il a fait un petit rim job. Il a joué avec un Max 77. Ah, lui, c'était un Max 79 qui aurait pas. Tout ça pour dire que malgré la blessure de Max Pacioretty, je peux vraiment dire que, regarde, on a vraiment trois top joueurs élites. C'est Max, Subban puis Price. Là, vraiment, là, c'est. Écoute, on peut bâtir de quoi de beau autour de Je vais dire en moins épatant puis en moins productif, peut-être un peu aussi, mais il reste que notre. Pacioretty, c'est notre Ovechkin. Là. C'est notre joueur. Ben, c'est notre power forward. Oh, ouais. C'est notre power forward. Il est le sniper, man. C'est lui qui va c'est nous faire. Qui va nous faire c'est que début, David man. Perron devrait être repêché avant Max à l'époque, Gaston Therrien. Bon, et puis dernier point. Dernier point avant les questions du public. Le Lightning va refuser. Dr. Hong, mon frère Mousse Pipi, m'a pardonné. Docteur quoi? Je suis mélangé. Qui? Cher Pissou, merci, merci, merci. Je cherche un nom en ce moment dans ma tête, là. Comment tabarnak. It is the world! C'est lui, the world! It is the world! On a besoin de It is the world! Sardo Nunspa. Ok, le dernier point. C'est le spécial. Le spécial des bons films de Lee Murphy en français, là. Dernier point, le Lightning va refuser l'entrée des partisans des autres équipes pendant les playoffs. Ça, hey, c'est trop de cul en tabarnak. Comment est-ce qu'on va savoir ça, premièrement? J'ai pas compris ce que ça dit. Le Lightning va refuser l'entrée des partisans des autres équipes pendant les playoffs. On en parlait justement pendant l'année. Ouais. Ben, premièrement, dans le fond, ce qui va arriver, c'est que si tu demeures à l'extérieur de Tampa Bay, t'as pas le droit d'acheter de billets. Oh, c'est la Floride. C'est si mangé de marde. C'est réservé aux habitants de la Floride. Exactement. Puis si tu peux pas, tu pourras pas être dans les rouges, donc les bancs visibles à la caméra, dans le fond. Si t'as un chandail d'une équipe adverse. Fait que tu vas pouvoir être dans le pit. Ben, tu peux comprendre. Ben, tu avoir un problème. C'est la quantité de Québécois qui est dans ce coin-là, probablement, qui ont fait ça, mais en même temps, tu sais. Ils joueront pas contre nous autres, là. Ouais, mettons deuxième ronde. Ouais, mais il parlait que. C'est juste la glace, prenez les essais. C'est vrai qu'il parlait par rapport à Montréal et Détroit, parce que c'est Montréal et Détroit, c'est des fans qui se promènent beaucoup dans la ligue, ça. Non, je sais bien, mais il faut vraiment un complexe. Mais évidemment, Montréal était vraiment plus ciblé. Comme les deux taouins là, qui font le tour des stades de baseball aux États-Unis là, de Montréal. Là, ouais, le gars pis sa blonde. Ouais, qui ont fait 31 stades. Là. Ah ouais. 30 Ouh. Équipes, 31 stades, bravo. Et? Ça fait le stade olympique aussi, c'est pas ça. Ah, okay. Mais je vais le dire ici, où c'est qui est. On s'en This is not fucking baseball! Malgré que j'ai bien aimé mon séjour au stade, voir les Blue Jays, même s'ils ont perdu 0-2 Calis, là. Ils ont perdu ce game-là? Ils ont perdu 0-2, puis ils ont fait 2 points, les Reds, sur un seul jeu en 8e. Puis là, la game le lendemain, genre, ça a fini 9-1, ouais, c'est ça. J'ai fait la télévision, j'étais comme, ben, c'est du baseball, ça, c'est ça. Bon, ben, la période s'achève dans 1 minute 30. Je sais pas si vous avez des trucs que vous voulez parler avant qu'on embarque dans les questions du public. Voulez-vous parler des potentiels adversaires du Canadien de Montréal? Ouais, mais non, Jeff. Avec la défaite des Pingouins, à date, je pense que ça serait soit les Sénateurs ou les Pingouins qui pourraient affronter. Mais probablement les Sénateurs. Ce que j'avais vu aujourd'hui, c'est que le pourcentage de chances d'affronter les Sens, c'était le plus élevé. Il y avait les Red Wings qui étaient là-dedans, puis il y avait Pittsburgh. Ouais, parce que dans le fond, Boston, s'ils veulent espérer faire les séries, ils vont devoir. Boston, gagner. Ils ont combien? 95 points. Puis les Pingouins en ont 96, sont au 8e rang. Fait que si Boston gagne, ils ont 97, fait qu'il faut que les Pingouins perdent contre Buffalo. Après ça, s'il y avait 97, puis mettons, les Sens, ils perdaient, il y aurait le même nombre de points. Là, Ottawa serait en avant, je pense. Ils ont plus de victoires. Ben, non, ça, plus de égal, ou... égal. Le nombre de ben, c'est les buts pour Bucco. Ouais, Bucco. Ouais. Fait que bref, ça sent les Sénateurs, je pense. Ouais. Ah, c'est Non, mais tu sais, les playoffs qu'on a eus pendant le lockout, je pense vraiment que les gars, on va s'en souvenir, puis on va vouloir leur crisser une volée. On s'en souvient qu'ils ont perdu. Là, ça va être personnel. François Gagnon, t'es mis à les faire chaîner tes dents jaunes. Ah non, François Gagnon. Tabarnak. Non, puis le pire, c'est que hier, là, il y a un gars qui a tweeté « Hey, les sénateurs sont en feu », puis bon, François Gagnon a dit « Oh que oui! » Oh que oui, hashtag Simonac. C'est ça, t'as en tête, il y a colle ici. Il a le droit d'être un fan. Il a le droit, il a le droit de dire Simonac, on a le droit de l'aider. Tu peux pas être un fan des scènes. C'est un fan des scènes, il habite-tu de la bosse, tu sais? Je sais pas, man. Il est tard, man. Il y a un petit pit à terre en tabou. Ah non, non. Pit à terre, man. Pit à terre. Mais c'est comme si vous êtes belle. C'est comme si tu vois sa belle, tu vois qu'Asie joue contre les Sharks, puis un fan des Sharks à Montréal. C'est comme, what the fuck? Mais les Sharks, ok. Les sénateurs, comment. Ils sont plus proches. Comment tu deviens fan des sénateurs? Comment tu t'habites proche là-bas? Ben, t'aimais Alfredson, puis. T'aimais Alfredson. Ça existe du monde. Bon, ouais, fait qu'on. Là-dessus, je d'accord avec toi. On a un hostie de paquet. Non, mais la de la il y en a un shop et une barge. Ouais, ça, là. Ben, ça, écoute, il y en a des fans de toutes les équipes. De toute façon, on peut pas vraiment aller trop loin dans ces prédictions-là. Demain, ça risque de changer ou de. Ouais, c'est ça qui est plate. On va le savoir demain après-midi à. Autour de 3 heures. Fait que pendant que vous écoutez le podcast, ça va se décider. Donc, au pire, dans notre petit chat room sur Facebook, on se fera nos prédictions puis on postera ça sur notre Facebook sur notre Twitter. Ouais, j'en profite pour l'envoyer un message sur Twitter après le match Ottawa-Philadelphie. Ottawa. Bon, Ottawa. Avant, maintenant, on est rendu aux questions du public. Questions du public. Questions du public. Avant les questions publiques. Ça nous prend un jingle pour ça. Ouais, ça prend aller. J'en ai pas malheureusement. Questions du public. Ben, je peux mettre ça, les questions du public. Yeah! Oh. Avant de commencer, il y a eu une belle amélioration dans le studio. Dave, as-tu remarqué que ta chaise était réparée? Ah, ben oui, si, je trouvais que j'avais. Hey, ok. J'ai sorti mes outils puis j'ai revissé ton accoudoir. T'as des outils? J'ai une petite valise d'outils cachée quelque part, bien loin. Mais t'as juste des outils IKEA? Non, c'est juste une valise avec des outils que tout le kit est dans la valise. Là. Alors voilà, un kit de débutant. C'est un petit marteau IKEA cheap qui pète après le clou. Il y a des marteaux Fisher Price qui venaient avec ça. Là. Ok, alors on va commencer par. Commençons par Twitter, tiens, parce qu'il y en a juste un. Je parle de clou de finition. Pas de clou de girafe. Oh, clou de girafe. Kucherov. Ok, sur Twitter, suivez-nous, soirée du podcast. Il y a Matt Labonté qui nous a posé une question. Il y avait aussi Jerry Godbout sur Facebook qui nous a posé sensiblement la même question. On parle pas pareil. On parle juste une des deux. Hein? On va le faire pour les deux. Il dit si Pacioretty revient pas en première ronde, à quel point ça affecte les chances du CH de se rendre en deuxième? Oui, il va revenir. Un petit peu, mais d'après moi, c'est parce que. Moi, je pense que ça va affecter plus à long terme. Ça pourrait affecter comme 5 ans. Première ronde, je pense pas que c'est si grave que justement si on se rend plus loin. Là. Non, c'est... ben d'après moi, Pacioretty va revenir bien avant ça. Ouais. Puis en même temps, tu sais, Pacioretty, je veux dire, il a pas joué. Je pense que ça va être sa troisième saison en série. Troisième fois qu'il va aller en série. L'année passée, il a pas été super dominant. Il a pas été super dominant. Fait que je veux dire, il a. On en a besoin, présentement, mais pas tant que ça. C'est ça. Ouais. Présentement, il y a tout à prouver en série. Ça fait pas trop peur pour l'instant. Tu sais. Non, il faut voir que l'équipe réussisse à battre Price 4 fois. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est... Moi, j'aime bien mieux... Ben, il faut faire attention à ce que je vais dire, là, mais... T'as bien mieux, Non, c'est que... ça me les canettes. Je trouve que c'est moins grave perdre Pacioretty que de perdre Price. Ça, on t'ostinera pas là. Si on perd Price, mettons, demain, là. T'as pas ce qui va gagner du bois, je vais gagner du bois. Là, t'as gagné. On est fait dans la chute, on est fait. On est fait dans la chute. Tokarski goes à la tête, man. Esti devient Hamburglar number 2. Tokarski. Ça arrivera jamais. Il devient Big Mac, man. Mais je pense qu'on aurait plus de chance si on mettrait la toile. On met la toile dans le net avec les quatre coins et le fireball. On a plus de chance si on met juste ça. Tu mets un cardboard de Price. C'est ça. Avec juste un tout. Mais non, on devrait appeler Michael Condon. Il devrait gouler à la place. Michael Condon. Mais non, tant qu'à avoir le Hamburglar à sénateur, tu mets McDonald's. Et voilà. Il joue avec nous, lui. Ouais. Oh, pète ta barbe. Ou comme David dit, ça serait genre psychologique. Là. Ah, là, tu joues dans la tête, mon gars. Hein? Toi, t'es juste le hamburger. Moi, je suis Ronald McDonald's. Et il y a pas inventé. Ou tu te fais comme David dit, là. Tu mets un cardboard de Price, mais dans le sud avec des clubs dans la gueule, là, comme j'avais la photo. Ouais. Là. Yeah. I'm the pain in your rectum, motherfucker. Ok. Alors, bon, c'est les seules questions qu'on avait sur Twitter. Les questions sur Facebook maintenant. Suivez-nous sur Facebook, la soirée du podcast en un mot. Check. Première question de Martin. J'ai pas rien fait. Première question de Martin Hull. Ton crayon, mais ouais. Check. Check. Martin Hull, il nous dit, après une belle saison comme ça, NHL en général, que pensez-vous du nouveau système pour faire les playoffs et de la parité que ça amène? Du bon hockey jusqu'au dernier match. C'est ce qu'il a dit à la fin. Moi, j'ai toujours joué ça. Le gars, c'est le fun. On sait même pas. On sait pas quand c'est ça. Il reste un match, on sait même pas c'est quoi. C'est l'intérieur. Puis en même temps, mais ça, t'as plus de sens. T'as plus de sens d'avoir une rivalité. Parce que tu t'affrontes plus par division. En tout cas, t'as plus de chances d'affronter ta division, à part si t'es une équipe au wildcard qui se fait repêcher et que t'es dans l'autre division. C'est facile de faire des poules. C'est vrai. Hein? Ouais. C'est vrai. Mais parce que dans le fond, c'est vrai, j'aurais un arbre généalogique à vous montrer pour un peu de hockey. Pour vrai, c'est, moi j'aime ça, puis c'est oui, ça fait du bon hockey. C'est plus excitant. C'est plus facile aux équipes de se préparer parce qu'on sait exactement vers où qu'on s'en va puis qui qu'on pourra affronter. Parce que mettons là que. Ça, c'est la question que Michel a répondu hier. C'est vrai? Mais tu sais, mettons qu'on. La question du coach. Après la première ronde, là, t'as le choix d'affronter soit, mettons, exemple, mettons Tampa ou Détroit. Fait que ça te permet d'envoyer des éclaireurs. Étudier les matchs puis préparer vraiment correctement pour la deuxième ronde. Même chose pour la troisième ronde. Il faut que dans l'équipe, tu regardes nos cassettes. Et voilà. Non, par la ventilation. Comme dans Gold de Noël au Wild. La mission est possible, mon gars. Tu descends par un fil, puis il pète. Genre, oh fuck! Yeah. Prochaine question. J'ai la chance de faire ça. C'est qui fait ça? C'est Tom Cruise. C'est Tom Cruise. Non, non. Ah, c'est Valtteri Potter dans. Tu parles de Valtteri Potter dans Austin Powers. C'est Pat Bassard qui saute par-dessus dans le truc. Les japonais, ouf, hein, ça casse. Mais moi, je parlais, c'est qui fait ça dans le Canadien? Qui c'est qui a envoyé pour faire ça? Ah, oh, le plus petit, là. Le plus petit. Dernier, 5 pieds 8. Mais non, pas un joueur, il envoie quelqu'un, il écrit, c'est un manque du thé. T'es mine, Larry Carrière. Larry Carrière. Si moi, lui, c'est sûr que le ville va péter. Ok. Prochaine question qui nous vient de Nick Chalifou. Nick qui nous a flotté de questions cette semaine. Nick veut savoir, une saison avec un marqueur de 50 buts et aucun pointeur de 100 points. Fou, hein? Une saison de gardien, est-ce bon pour la Ligue par rapport à une saison haute en buts et en points? Ça n'a pas un impact, je pense, vraiment sur le spectacle. Non, parce que ça reste bon, OK. Ben, moi, je veux dire... Ben, au States, peut-être, ça a plus un impact, je pense. Au States, c'est même pas ça qui... C'est lui, une game qui est gagnée 2-1, si la game est... vraiment. Ouais, mais attends, c'est vraiment intense. Mais aussi, c'est parce que le marché, c'est parce qu'ils essaient toujours de faire le plus de buts pour les States. C'est pas les Canadiens. Bon, mais dans ce temps-là. Les States, c'est le plus de buts, le plus de batailles. Prochaine étape. C'est là, on enlève les champions des buts qui nettoient la glace, puis Esti, les partenaires. Non, mais les trois contre. Ils vont brosser les buts, là, puis Esti. Ça fait chier, là. Comment, tabarnak. C'est plus du hockey. Regardez toi même. Ils vont mettre des filets de soccer, Esti. Ils vont jouer avec des ballons de plage. C'est qui mange la merde. Bon, ça répond à la question à Nick, je pense. C'est quoi ta question, Nick? Je pense qu'au Canada, ça fait rien, puis aux États-Unis, ça fait un savoir. Non, mais je pense... mêlé aux States. Moi, ça me dérange pas, une game... j'avoue qu'une game genre 0-0, il y a plus de chances que ce soit plate. On a joué que c'était 0-0, c'est pas une game de hockey. Game des playoffs 0-0, c'est... Non, mais on a joué contre une équipe récemment, puis c'était 0-0, ben c'était écœurant, la game, je me rappelle plus c'est qui. C'était écœurant, man. Non, c'était vraiment bon. C'était tellement beau, tu t'en rappelles pas. Ben, parce que tu sais, j'écoute tous les matchs. Je me rappelle plus c'était contre quelle équipe, mais il y en avait une qui n'avait pas de but, mais c'était vraiment un bon match. Mais non, mais c'est pas... gagné par blanchage. Ouais. Je dis pas que ça fait pas des bons matchs, mais les chances sont moins hautes. Mais je pense pas que le match 0-0 soit bon. L'action en crise. Je trouve que ça annule la Ligue, par exemple. Mais je pense avoir moins de buts cette année. Je sais pas, c'est les Américains qui comprennent pas vraiment le hockey. Fait qu'eux autres s'attendent à des buts, puis c'est pour tout. Ouais. Eux autres qui aiment ça. Eux autres aiment ça, genre une game de foot, est-ce que genre t'as genre 20%. C'est pour ça qu'ils calculent ça à 7, eux autres, en partant. Ouais, c'est ça, 7. 14. À 20, 4, 2, à 3. Waouh, ils se sont fait torcher. Eh ouais. Faudrait eu deux touchés, puis c'est tout. Ouais, c'est ça. C'est-tu la game contre Tampa Bay parce qu'on a perdu 1-0? Possible. Peut-être. Pendant que Alex check ça, Nick avait une deuxième question. Il nous dit, les champions, pas en série. Là, il parle des Kings. Là. Ouais. Il dit, preuve de la fameuse parité ou preuve d'une équipe à problème. Il met en parenthèse Richard et compagnie ou une équipe qui s'est assise sur ses lauriers. Je pense que la combinaison des trois. C'est ça. Sûr que le cas Rangers a vraiment pas aidé, mais je pense pas qu'ils sont tant que ça assis sur leur laurier. Mais ben, quand même, ben, c'est qui tantôt qui a dit que les Kings des dernières années, tu sais, les Kings des dernières années, c'est moi. Ils ont fini 8e l'année passée pour gagner. La première équipe qui a gagné, ils ont fini 8e. C'est 3 ans qu'ils faisaient ça. Ils ont fini comme peut-être 7 Quelque chose de même. C'est comme on se repose avant la fin puis on fait juste les playoffs parce qu'on veut pas. C'est le genre d'équipe qui fait dans l'Ouest, il y avait vraiment comme des teams de bas-fonds puis des bons teams. Fait qu'il pourrait amener clencher les teams de bas-fonds comme Winnipeg, Calgary, Arizona. C'est des starters qui se lèvent au bon moment. C'est ça. Mais là, cette année, ils se sont fait fourrer par les Calgary. Puis les ouais, parce que Calgary les a doublés. Les gros noms se sont jamais levés. Quick a une grosse saison. Copitard, Quick a pas, non. Quick a pas été sa coche. Mais ils se sont fait fourrer le propre jeu. Marianne Gabolek, là. Ben, il a connu une bonne saison. Ouais, il a connu une bonne séquence. Je parle l'année passée. Là. Il a connu une bonne fin de saison. Passée, il s'est fait échanger. Ah, il s'était pas fait échanger l'année passée. Au Kings, il était blessé toute l'année. Il avait comme une blessure au bicep. Ouais, mais il a bien fini la saison. Il a bien fini la saison. Ça a comme c'est ça qui a fait justement qu'ils sont, ils ont réussi à se qualifier pour les playoffs puis gagner la Coupe. Il a aidé en crise. Je pense que le seul joueur qui est constant à Los Angeles, c'est Joe Doughty. Mais pour l'attaque, ça a comme fait dur un peu. Ouais, quand t'es défenseur, il faut que tu comptes 40 buts par saison. J'ai joué une demi-heure hier, Joe Doughty. Ça n'a pas aidé. Dans un match qui n'a rien donné. Mais il paraît que ça bourdonnait à Chris à la troisième période. Là, ah ouais. Les Kings essayaient vraiment. Puis... Bon, Bardley, ça, quand je m'en venais tantôt, il y avait une entrevue. Ça tue contre les Flames? Ouais. En plus? Ah ouais. Wow. Mais ça, il dit qu'hier, il capotait. Là. Il dit, je pensais que c'était 5 minutes. Si je regardais, il y avait juste 1 minute au cadre qui venait de passer. Il dit, ça n'a pas de bon sens. Puis là, il se faisait rentrer. Il paraît que les Kings bourdonnaient. Moi, il dit, c'était vraiment. Là, il aurait dû peut-être les Kings jouer comme ça. Peut-être. Ouais. Mais il n'y a pas de bon sens. Puis ça, il dit, Drew Rowdy a joué une demi-heure. Je ne sais même pas s'il est allé s'asseoir au banc en troisième. On a l'impression qu'il était tout le temps là. Là. Mais ouais, il a été stressé. Mais... Pour les Kings, ben, c'est le fun parce que ça aurait été à nouveau gagner la Coupe Stanley. C'est cool. Puis au moins, il y a 5 équipes canadiennes et tout. Ouais, justement, ça va avec mon prochain sujet qui vient d'Alexandre Girard, qui n'est pas vraiment un sujet. D'après moi, il était chaud quand il a écrit ça sur Facebook. <là. rire> Je voulais exactement ce qu'il a écrit. Les Kings out, point d'exclamation. Jets et Flame in, 2 points d'exclamation. Ottawa est presque là, 3 petits points. Boston ou Pittsburgh, la déception, point d'interrogation. Minimum de 4 teams canadiens en série, 5 si Ottawa se surpasse une fois. Attends, il y a eu des points d'interrogation où, là? Dans Boston ou Pittsburgh, la déception. Ben, moi, je veux dire, la déception, c'est... Pittsburgh. Ben, Boston et tout, c'est comme... Ben, Boston, grosse drop. Boston, Pittsburgh. Ben, change. Elle est, là. Ça a pas mal. Les deux, en fait. Bye, bye, Julien. Julien, Steve, va chier. Dans le fond aussi, une série qui va être intéressante, c'est quasiment sûr, ça va être ça. C'est Vancouver contre Calgary, ça va être pas pire, ça. Ouais. Ceux qui se couchent tard. Ça sera pas joueur. Moi, je vais être bout dans la nuit. Je me lance, les gars. Je pense que Calgary va remporter la première ronde contre Vancouver. Moi, tout. Ouais, parce que. Ils sont hot en esti. À cause qu'ils ont vraiment du caractère. Calgary sont. C'est ça la dernière question, ça? Ouais, c'est une bonne. Presque, on aura une question. Mais. Alex, la SI qui va exploser. Je dirais que les deux teams, Penguin et Boston, là. Ouf, les Penguins, c'est dégueulasse comment ils ont baissé. Puis le pire, c'est qu'ils ont donné leur première ronde. Deuxième moitié de saison. Hey man, quel mauvais choix. Et leur choix de première ronde qu'ils ont perdu va être admissible pour la loterie. T'imagines-tu, est-ce que c'est si. Perron, sérieux, c'est un gros gamble. Les Oilers, ils vont avoir deux choix de première ronde admissibles pour la loterie. Nice. Chris, man, regarde. Fait que oui, Boston et Pittsburgh, déception. Moi, j'ajoute Los Angeles dans les déceptions parce que c'est les champions de la Coupe. Ça, c'est vrai. Donc, 3 grosses déceptions cette année, mais comme Jeff dit, ça va donner des nouveaux champions cette année. Fait que c'est vraiment cool. Ouais. Et dernier point ou sujet sur Facebook qui nous vient encore de Nick Chalifou. Il nous dit, est-ce que le podcast fera son show devant un public éventuellement, entre parenthèses, lire bientôt? C'est vraiment cool, mais... Ouais, c'est trouvé une place pour faire ça. Non, on n'a pas vraiment de la. Il y a ça, puis je suis pas sûr qu'on fait ça ici. Je suis pas sûr qu'on serait vraiment pertinent non plus dans le public. Ben, ce serait la même affaire. Faudrait juste du monde autour qui nous regarderait. Ouais, c'est comme, faudrait vraiment le préparer. Il y aurait peut-être un peu plus d'interaction, mais en fait, faudrait avoir une place. Puis, on pourrait le faire un peu à la Trois Bières, quand ils ont fait ça à la Chèque Régale Pointe-Saint-Charles à Montréal. Il y a un petit stage avec des micros, puis il y a du monde qui fait de la bière devant eux autres. Comme une genre conférence de presse. Là. Peut-être. Là, ben, l'année prochaine, peut-être. Je dirais, pas cette année, assurément. Non, pas cette année. C'est sûr que ce serait. Pour le 50e épisode, peut-être. Là, si on peut faire. Si on serait en fin de la coupe, on gagne la coupe. Oui, là, on préfère. On fait ça à Sainte-Cat, aussi, dans un char allégorique. Un allégorique de la soirée du podcast. C'est les gars, on devrait s'inscrire à la course. Red Bull de boîte à savon, man. Ça serait malade, le char, la soirée du podcast. On se met toute la yes. On se met 6 là-dedans, man. Malade. On se tente en plein milieu, man. On déboule jusqu'à la fin. On met Mart en avant. On compte toutes les écoutes de la sphère. C'est tellement hot, man. Puis on fait la course avec la table, ici. C'est ça notre char, man. C'est ça le frame. C'est la table. On met des roues là-dessus quelque part. T'as quoi, en résumé, on aimerait bien ça éventuellement. Moi, je pense peut-être le 50e, ouais, on peut envisager ça. Ça serait vraiment nice à faire. Fin d'année prochaine, peut-être, là, si on peut trouver une bonne date. Invitez Philippe Quentin et Jean Tremblay. On invite tous les journalistes qu'on a blastés un par un, puis on les blaste tous dans leur face. On les fait assis sur une chaise, puis on leur regarde. Mais tu sais, on pourrait pas faire ça dans un James Bond. On pourrait pas faire ça dans un bar. Non, ben faut que ce soit ben faut que ce soit dans la journée, tu sais, pas le soir, mettons, dans un bar de jour, peut-être, là. Pas dans un bar-bar, là. Comme un bar-bar. Bar-bar. Un bar où il y a genre des spectacles, où il y a de l'humour qui se fait, peut-être, ça peut se faire, là. Alex. Alex est venu subtilement pour aller pisser. Il a une très petite vessie, Alex. J'en profite pour le dire comme ça pendant qu'il est pas là. Il va retomber. Il va retomber. Ben ouais, fait qu'on aimerait bien ça. Non, c'est ça. Pour vrai, ça serait vraiment comme. Ça serait comme Chris. On peut-tu jouer une loge au Centre Bell puis inviter du monde puis podcaster pendant une game? Ben oui, qu'est-ce que vous attendez? Ça serait l'apogée. C'est eux les contacts. Allez, McDo nous en doit une aussi. McDo, faire ça dans un McDo. Ouais, non, au manoir Ronald McDonald devant les enfants qui sont en train de mourir. Là. Ah, c'est... j'ai d'avoir une annonce pour une idée pour une pub. Je vous en parler tantôt. Je sais pas si ça va être bon. Une pub pour le show? Ouais, c'est genre, mettons, un enfant malade qui est malade du cancer pis tout. Pis là, on joue avec. Le petit gars, il dit « Ah, mon souhait, c'est de jouer une game de hockey de NHL avec un des membres sur du podcast. » Fait que là, on joue avec. Le petit gars, il joue pis il dit... Il compte un but, il dit « Ah, hourra! » Pis là, toi, tu le regardes, t'es comme « Tabarnak! » Là, tu commences à te blaster pis tu comptes des buts, tu le crush check, ben... PlayStation. Puis... Non, non, j'ai jamais eu mon idée de pub à moi. On voit des jeunes de 10 ans qui jouent au hockey, au hockey-ball dans la rue et on les crush. Ça ferait un peu comme la petite vie, non? Il n'y a pas ça qui se passe. Ouais, c'est vrai, ça commence vraiment la petite, t'as raison. Ouais, c'est vrai. T'es pousse des poubelles. Alors, ben, c'est vrai, mais le problème, c'est de trouver des kits de cet âge-là. On va en trouver. Ça se trouve des nains, Dave. J'ai bien des neveux. Des nains, c'est clair. Des nains, non, tu peux pas dire des nains. C'est des petites personnes ou des personnes de petite taille. Ouais, c'est ça. Ouais. Des gens à la grandeur réduite. Des nains, là, c'est péjoratif. Genre, le doigt, il est plus long. Parce que le nanisme, c'est une maladie. Ben non, c'est une... Qu'est-ce qui est une maladie? C'est un lifestyle, ça, être nain. Le nanisme. Quand t'es nain, t'es malade. C'est une maladie, le nanisme. Ah, non, non, non. Ils ont des petits poumons, là. C'est un choix de vie, ça. C'est un choix de vie. Ils ont choisi. C'est comme ceux qui s'étirent le cou, là. Ils prennent des pénules quand ils sont petits. Les nains et les femmes en Afrique qui s'étirent le cou, même combat. Même combat. La même affaire. Les femmes girafes. Ils se mettent des rings, est-ce une semaine après l'autre, mon gars, pour s'allonger le cou, man. C'est malade. J'ai jamais compris pourquoi. Ils s'enlèvent les rings, est-ce qu'ils se cassent le cou, ouais, crème, là. Ouais, plus rien, man. Qui tient, mais ça, c'est vrai, par exemple. Ça, tu t'enlèves ça, ces rings-là, puis ils cassent le cou. Ouais, tu te casses le cou, man. Plus rien qui tient. On est rendu loin, pareil, hein? Vous êtes fatigué, là, tu sais. Effectivement. C'est mon grand-père. Si tu fais ça à quatre pattes, faut que tu te mettes loin dans le lit, parce que sinon, c'est sûr qu'elle se pète la tête dans le mur. Qu'est-ce que t'es au bout du lit, là? Pour plus d'informations sur le sujet, écoutez le prochain épisode de la jase. Pas plus 69. À moins que ce soit une même qui se fait ça. Ou t'as une scoliose. Oh, Jeff est souffle. On va arrêter le podcast là-dessus. On a fait le tour. Fait que c'était l'épisode 12. On parlait du hockey, là. Oh, on n'avait pas le fini, là. C'est des rondelles qui se met dans le cou, là. L'Africaine, là. La fille, là, qui se met ça dans le cou, là, c'est une... C'est une Africaine. C'est une Africaine, là. Elle s'appelle Jasmine. Oh boy. OK. Fait qu'on on espère que le prochain épisode ne sera pas le post-mortem. Ça veut dire qu'on va être éliminé en 4 ou en 5 parce que c'est pas mal les games qui vont se produire entre les deux prochains podcasts. Fait que dans 2 semaines, le prochain épisode, on espère être rendu en 2e round ou être genre 3-1 là, dans la série. Là, c'est là. Bon. Oh yeah. Puis si c'est le post-mortem, ben tabarnak, hein? On va trade price fire terrier. Jameson, come on. With me right fucking now. Ouais. On essaierait d'avoir l'équipe complète aussi pour les playoffs. Ouais, on va dire c'est à cause Pacioretty était pas là. On vient dire Pacioretty, gars. Si ça arrive, c'est, bah, il manquait Pacioretty. Puis c'est sûr qu'on va dire ça. Sur ce, c'était l'épisode 12 de la soirée du podcast. C'est l'heure que je commence à bailler. Le père en toi se réveille. Le père en moi s'endort. Ouais, justement, avant que tu t'endormes au volant, on va finir ça. Fait qu'on se revoit dans 2 semaines pour l'épisode 13 de la soirée du podcast. À la prochaine, tout le monde. Ciao, sir.